السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم في درس صحيح، يعني شرح صحيح الجامع، من يوم aujourd'hui le 14 ذو الحجة 1427، c'est-à-dire le mercredi 3 janvier 2007. Inch'Allah ta'ala, c'est le 17e cours, le 17e cours de Sahih al-Jami' de Inch'Allah ta'ala Cheikh al-Albani alayhi rahmatullah. Ça, nous allons commencer Inch'Allah ta'ala par une petite révision. On commence les nouveaux hadiths bi'idna subhanahu wa ta'ala. La fois passée, si je n'ai pas oublié, on s'était arrêté au hadith qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ruqa wa tama'ima wa tiwala shirk. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata shirk. Et j'avais bien expliqué les ruqya, qu'est-ce qui était shirk, qu'est-ce qui n'était pas shirk. J'avais parlé aussi des tama'im. Et je crois que j'avais oublié de parler de Tiwala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. C'est pour ça que je dois réviser un peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois choses qui sont de l'association shirk. Il a parlé de ruqya. Et la ruqya qui est shirk, bien sûr, c'est celle qui comprend le shirk. C'est celle qui comprend le shirk. Quand quelqu'un fait la ruqya en s'aidant par les djinns, les diables, les sorciers, les sorcières, etc., il rentre bien sûr dans le shirk. Les ulama ont dit, pour que la ruqya soit vraie, il faut qu'elle soit avec le Coran, ou bien avec les noms d'Allah. Et il faut que ça soit en arabe. Et il faut que la personne elle-même ne considère pas que c'est la ruqya qui soigne. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui soigne. Ceux qui ont dit, il est possible que ça soit pas en arabe, ils ont dit, alors, il faut que ça soit avec quelques, yani, les mots qui se comprennent, une langue dont les mots se comprennent. On ne va pas dire des choses comme ça qu'on ne comprend pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en général, yani, montrez-moi vos ruqya, et il disait, tant qu'il n'y avait pas de shirk, la ruqya, inshallah ta'ala, est acceptée. On avait montré que celui qui peut ne pas la faire, la ruqya, yani, s'il a le tawakkul, il ne la fait pas, il rentre dans les 70 000 qui vont rentrer au paradis sans passer par le hisab, les 70 000. Mais si quelqu'un a besoin d'une ruqya, il l'a fait. Car une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, fais-moi une ruqya. Fais-moi une ruqya. Elle lui a dit, je suis malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et qu'est-ce que tu veux, tu choisis entre la ruqya ou bien entre tu patientes et tu as le paradis. Elle a dit, alors je patiente et j'ai le paradis, mais fais-moi un doua parce que je tombe et je me découvre. Fais-moi au moins un doua, comme ça quand je me tombe, je me découvre pas, Inch'Allah. Je dois m'arrêter, Inch'Allah, 5 secondes et je reviens, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne Tama'im, qui est shirk aussi, ce sont les choses. Des choses. Parce que. Ce sont. Tama'im. Choses que les gens s'attachent par exemple autour du cou ou là autour du bras ou là autour du poignet ou là je ne sais pas où ils mettent des choses comme ça en croyant que ces choses-là peuvent éloigner le mal ou bien peuvent apporter le bien. J'avais parlé comme. C'est très connu, par exemple, le fer à cheval. On avait parlé aussi de ce qu'on appelle la main de Fatma. Et il y a beaucoup beaucoup de choses, ça diffère de pays en pays, ça diffère des cultures des gens, bien sûr, de pays en pays aussi. Donc ça dépend ce que les gens accrochent, des fois c'est des choses d'animaux, des fois c'est des os, des fois c'est des cailloux, des fois c'est quelque chose, de grenouille. Ça dépend qu'ils mettent dans, des fois ils mettent dans un hijab, et ils l'attachent sur le cou, au niveau de la main, ça dépend où, croyant que cette chose éloigne le mal ou bien fait venir le bien. Ça c'est le shirk. Et on avait dit que la règle c'était quoi, que quiconque par exemple attachait ces choses avec croyant que ce sont ces choses là qui font venir le bien ou éloigner le mal, ça devient quoi, ça devient un shirk. Ça devient un grand shirk. Ensuite, il y a le deuxième shirk, le petit shirk, c'est d'attacher ces choses en se disant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait venir le bien, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui éloigne le mal, mais c'est ces choses-là que j'ai attachées, ou là que j'ai, comment on dit, n'allak. Ces choses-là sont seulement, des causes. Non, le bien vient du mal, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui enlève le mal. Ils disent, mais ces choses-là, ce sont seulement des causes. Ça, c'est le petit shirk. Pourquoi ? Tu as dit de certaines choses, que ce sont des causes de bien et de mal, suspendre. Naam. Tu as dit deux choses, que elles rapportent le bien ou bien elles enlèvent le mal, alors que ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit ça. Alors que ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit cela. Donc, ça rentre aussi dans le shirk. Ensuite, maintenant, on avait dit que si quelqu'un accrochait, quand on accroche ces choses, ensuite, si quelqu'un maintenant accroche ces choses seulement, c'est pas pour dire qu'elle apporte du bien ou bien elle éloigne le mal. Seulement dans le but quoi? Seulement, par exemple, il veut seulement, par exemple, embellir la maison, il accroche ces choses. Là, il veut embellir la voiture. Là, il accroche, par exemple, le fer cheval. Là. S'il fait comme ça, Salah al-Sheikh, Havilahullah, a dit, ça devient quoi? Ça devient, pour décorer, Si c'est pour décorer, Lahda, Barclofi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, maintenant j'ai fermé le téléphone. Il ne peut pas nous suspendre le cours. Al-Muhim, je disais que si quelqu'un accroche ces choses, même pas dans le but d'éloigner le mal ni de rapporter le bien, c'est ma'asiyah. C'est un péché. Pourquoi? Parce que, comme a dit Salah al-Sheikh, hafidhahullah, il a dit, il s'est fait ressembler à ce que font les associateurs et les mouchriquins. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man tashabbaha biqawm fa huwa minhum, quiconque se fait ressembler à un groupe, il est d'eux. Donc pour ne pas les ressembler, on n'approche pas ces choses, inshallah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tiwala tushirk, tiwala c'est ce que fait la femme, ce qu'elle fait pour attirer l'amour de son mari, ou là ce que fait l'homme pour attirer l'amour de sa femme, ou bien celui qui met un peuple en fait partie, ou bien celui qui fait à une femme pour qu'elle l'aime, ou bien une femme fait à un homme pour qu'il l'aime. Ça c'est elle va chez la sorcière, etc. C'est connu, c'est très connu, ça s'appelle tiwala, pour l'attirer. Ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le shirk. Et comme j'avais dit tout à l'heure, ces choses là il y en a tellement qu'inch'Allah ta'ala, on fera des doros aussi pour montrer, pour parler aussi de la superstition. La superstition qui est aussi shirk, inch'Allah ta'ala parler. Quand on arrivera au hadith qui parle d'elle, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna salama ismun min asma'illahi ta'ala, fa'afshuhu baynakum. Inna salama ismun min asma'illahi ta'ala, fa'afshuhu baynakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le salam c'est un nom des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. propagez-le entre vous. C'est pour ça qu'il est de la sunna de beaucoup dire salam alaykum, beaucoup beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit quand vous par exemple vous êtes en train de marcher, s'il y a, tu marches avec quelqu'un, il a dit s'il y a un arbre qui vous sépare ou bien un rocher ou là un caillou là n'importe quoi, un poteau là, si vous vous rencontrez vous vous redites salam alaykum, pourtant vous étiez ensemble. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans une pièce, s'il va à la cuisine et trouve quelqu'un, il lui dit salam alaykum. S'il sort, il va au salon, il revient à la cuisine, il lui redit salam alaykum, parce qu'ils se sont perdus de vue et il est revenu une deuxième fois. Et comme ça, il va au salon, il dit salam alaykum, il sort, il rentre, il va ailleurs et il revient au salon, il dit salam alaykum, parce que les gens croient que on dit seulement ça une fois le matin, une fois le soir. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ifshu salam, ifshu salam, ifshu, yani propagez-le. Il n'a pas dit dites salam, il a dit propagez-le. Pourquoi? C'est un nom de, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'aimerais pas propager le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta maison? Tout le monde aimerait propager ce nom dans la maison et partout. Et partout aussi. Et quand tu dis seulement salam alaykum, tu as déjà dit 10 hasanat, 10. Tu as déjà 10. Tu dis salam alaykum wa rahmatullah, tu en as 20. Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, 30. Masha'Allah. Yani nous, khlas, on n'a plus besoin de hasanat, yani. Ensuite, c'est pour ça que se trompent beaucoup ceux qui, sans le vouloir, entendent Vihad Assalamu Alaikum. Ils te voient et te disent Sbah al-Khair, Sbah al-Khair, Masa al-Khair, Sbah al-Nur, Sbah al-Ful, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça n'a rien à voir, bien sûr, c'est permis, je ne dis pas c'est haram. Mais le Hajr, c'est quand tu dis Assalamu Alaikum, pourquoi tu propages le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas du sabah al-khair ou la masah al-khair. Des fois, hatta, j'ai entendu dire que, comme on dit quelqu'un, des fois, quand tu dis sabah al-khair, peut-être que tu as menti. Alors, quand tu as dit sabah al-khair, ça veut dire la journée, sabah, le matin, est plein de khair, inshallah, plein de bien. Oh, c'est pas vrai. C'est plein d'alcool, plein de zina, plein de. Sors dehors, tu vois ce qui se passe. C'est pas plein de khair, c'est plein de shar. Non, quand tu dis salam alaykum, yani, tu as les hasanat. Et c'est en même temps yani, une adoration, car il y a un hadith qui dit cela. Bien sûr, certains gens croient que s'il y a un musulman avec un croyant, il s'est mélangé le groupe, il dit quoi? Il dit salamu ala man ittaba al-huda. Ça, c'est pas vrai. Salamu ala man ittaba al-huda, on le dit si seulement ils sont tous des kuffars. Naam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a écrit à Hirakl, Azim al-Rum, Héraclès, il lui a dit salamu ala man ittaba al-huda min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila Héraclès Azim al-Rum, salamu ala man ittaba al-huda. Mais s'ils sont un groupe, il y a un seul musulman au milieu d'eux, tu dis salamu alaykum. Pourquoi? Parce que tu veux par là le musulman qui est au milieu de vous. À cause de lui, je dis salamu alaykum. Le salam descend sur lui. Les autres, ils ne sont pas concernés. Mais toi, tu dis comme ça en groupe. Naam. Et bien sûr, ce salamu alaykum, on ne le dit pas bien sûr au kafir. Le kafir, on ne lui dit pas salamu alaykum. Sauf si lui, il nous dit salamu alaykum, on lui répond wa alaykum. Et certains ont dit, c'est possible, si tu es sûr qu'il a bien dit salamu alaykum, certains ont dit, tu peux dire alaykum salam wa rahmatullah, tu peux ajouter, certains ont dit. Min bab al-ihsan, certains ont dit. Mais d'autres ont dit, tu regardes. Si tu es sûr, il a dit salam alaykum, tu dis wa alaykum, tu te suffis à wa alaykum, ça suffit. Naam. Comme je disais, maintenant si je rentre chez un kafir ou là, normalement, c'est lui qui doit me commencer. C'est lui qui doit me commencer de me dire bonjour, si c'est un kafir. C'est de préférence. Mais des fois, tu peux pas. C'est toi qui es rentré chez lui ou là dans son magasin ou là, si tu lui dis avec sa langue, yani salam, bonjour ou là, bonsoir ou là, tu n'es pas rentré dans le nahi, car le nahi a dit ne lui dis pas salam alaykum, c'est tout. Mais si tu dis autre chose, ça ne rentre pas dans l'interdit. Quoique de préférence, yani règle générale, on ne doit pas commencer le kafir par yani la salutation. Mais des fois, yani on peut pas. C'est pour ça que dans ce cas, on ne lui dit pas salam alaykum, mais on lui dit, comme disent les ulama, d'après sa langue, bonjour ou la good morning ou la guten tag, l'ahsab, d'après avec qui tu parles. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith, il a dit نعم نعم لحظة أرسلت حديث إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. نعم le prophète صلى الله عليه وسلم a dit des fois l'un de vous termine sa salat alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a écrit que le dixième de la salat, ou bien le neuvième, ou le huitième, ou bien le septième, ou bien le sixième, ou bien le cinquième, ou bien le quart, ou bien le tiers, ou bien la moitié. Non. Donc, deux bonhommes peuvent faire la même salat dans le même rang, ils sont dans le même rang, celui-là. Il a par exemple le quart lorsqu'il a le demi, lorsqu'il a le neuvième, lorsqu'il a le septième. D'après quoi? D'après la concentration. Existe-t-elle ou elle n'existe pas? Ça veut dire la concentration, elle change. Ça dépend de la personne. Qui c'est cette personne? Cette personne qui est rentrée dans la salat. D'où est-elle venue? Elle est venue d'un match de football qu'elle voyait à la télévision, ou là elle est venue de Riyad Salihin. Il était en train de lire Riyad Salihin. Celui qui était en train de lire Riyad Salihin, il a entendu l'adhan, il est parti à la mosquée. Ce n'est pas comme celui qui voyait le match de football. La concentration ne va pas être la même. Sûrement celui qui lisait Riyad Salihin va avoir beaucoup plus de concentration. Donc dans ce cas, il aura plus de hasanat que l'autre. Donc la salat, c'est, en fin de compte, c'est une question de concentration. « Qad aflaha al-mu'minun man » C'est qui ?« Alladhina hum fi salatim khashi'un » A dit « Qad aflaha » Yani ont gagné ou là, chose comme ça. « Al-mu'minun » Les croyants. Qui est des croyants qui ont gagné? Il a dit « Alladhina hum fi salatim khashi'un » Ceux qui sont concentrés dans leur salat. Il n'a pas dit ceux qui font la salat. C'est une différence. Une différence entre celui qui fait la salat et celui qui est concentré dans la salat. C'est pour ça que il y a des gens qui font la salat et qui n'est pas, il n'a que le corps dans la salat, alors que dans la salat ce qu'on doit avoir c'est le cœur d'abord, non, et le corps qui suit, mais d'abord le cœur, c'est pas le contraire, avoir le corps et ne pas avoir le cœur, non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, hasan, bon, il a dit la yatlubu l'abda mimma yatlubuhu ajalu, inna rizqa la yatlubu l'abda akthara mimma yatlubuhu ajalu, subhanallah al-azim. Il a dit les biens, le rizq, les biens que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux personnes, les biens, yani l'argent, les voitures, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit comme bien. Il a dit le bien, ce bien, yani court après la personne, akthar mimma yatlubu ajalu, plus que yani la mort ne court derrière toi. Allah l'alim, nous, on doit tous mourir, on a tous une fin. Ça, on doit tous mourir, on a tous une fin. Est-ce que nous, on peut se sauver de la mort? On ne peut pas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتِ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dit, la mort que, la mort dont vous fuyez, elle va vous rencontrer. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce jumu'a. Il a dit, الموت الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. Dis-leur que tu fuis, ou la subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ مُلَاقِي. Cette mort qui vous fuyez d'elle, yani, elle va vous rattraper, et elle va vous attraper par derrière, parce qu'elle est derrière toi. Toi tu t'es sauvé, elle court derrière toi. Subhanallah, il a dit le contraire. Il a dit فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Elle quoi? Elle va vous rencontrer de face. Ça veut dire quoi? Toi quand tu te sauves vers elle. Tu te sauves vers la mort pour mourir. Tu te sauves de la mort, mais en courant tu vas vers elle. Tu vas vers elle pour mourir. La mort, la personne qui peut se sauver d'elle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a écrit quelque chose, yani un bien ou là, non seulement il faut qu'il t'arrive bi'idhni azza wa jall, mais encore il court derrière toi comme la mort. La mort, elle doit t'atteindre et le bien doit atteindre. Voilà ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre hadith, il a dit, il a dit, je me rappelle bien, wa inna ruha al-qudus, il a dit Jibril alayhi salam, nafata fi ru'i, yani m'a dit, mais à l'intérieur de mon âme, que quoi? Inna nafsan la tamut, que personne, aucune âme ne meurt, hatta tastakmila rizqaha, jusqu'à ce qu'elle termine son bien. Personne ne peut mourir, ni ne peut nous tuer, jusqu'à ce qu'on termine nos biens. On a ici des biens, des choses à manger, des choses à boire, on a de l'air à respirer. Personne ne peut te faire mourir ni te tuer jusqu'à ce que tes biens soient terminés. Quand tout est terminé, tu dois mourir. Tant qu'il y a quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi, tu dois vivre jusqu'à que tu aies cette chose-là. Si Allah subhanahu wa ta'ala a écrit que tu dois manger n'importe quoi, tu dois manger par exemple une shorba, tu dois manger une shorba chez quelqu'un, c'est impossible que tu meurs jusqu'à ce que tu manges cette shorba, jusqu'à ce que arrive le jour et cette personne t'invite et tu manges la shorba qu'elle t'avait préparée. Il est impossible que tu meurs une semaine avant ou là un mois. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit personne ne peut mourir jusqu'à ce qu'il termine ses biens. Tous les biens que tu as, tu les termines, ensuite tu meurs. C'est pour ça que ici il a dit donc hatta tastakmila rizqaha fattaqullah. Donc il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala ou ajmilu fi talab. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala et quand vous demandez les biens, ajmilu, yani demandez avec, yani comment dirais-je, yani il veut dire dans le halal, puisque tous tes biens doivent venir vers toi. Donc pourquoi toi tu vas utiliser le haram? Il a dit dans le halal, il a dit ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبقاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فان الله لا يدرك ما عنده بطاعته. نبي النبي صلى الله عليه وسلم اي non pas le fait que les biens s'attardent pour venir, hein, des fois les biens retardent pour venir. Il dit attention, le fait que le bien retarde, il faut pas que ça vous pousse à demander le bien par une voie qui est haram. Non. Des fois des gens, ils voient qu'il est coincé, il n'a pas d'argent, ceci, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une issue de haram. Il va, je sais pas, peut-être qu'il va dire je vais jouer à la loterie, je vais voir, peut-être que je vais m'enrichir. Ou là il va faire la riba, il va faire l'usure, il dit Allah ghalib, j'ai pas, comment je fais? Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ton bien doit te venir et ajmil fi talab. Soit, masha'Allah, quand tu fais la demande du bien, quand tu fais les doigts, quand tu travailles dans le halal, etc., le bien va te venir. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, attention, s'il retarde un peu, que tu ailles vers le, yani, tu ailles demander tes biens avec le haram. Il a dit, ce qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala ne vient pas par le haram. Naam, alladhi 'inda Allah, la yudrak bimada, la yudrak bil ma'siyah. Naam. Ça c'est sont des doros. Naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith sahih, il a dit inna ash-shamsa wal-qamara la yantasifani li mawti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatan min ayati Allah yukhawifu Allah bihima 'ibadahu فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. C'est un hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le soleil et la lune ne s'éclipsent jamais pour la mort de quelqu'un ou la vie de quelqu'un. Pourquoi? Car lorsque le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim il est mort à l'âge de combien? À l'âge de 8 mois. Lorsqu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est venu comme ça. C'était quoi? Il y a eu l'éclipse ce jour-là du soleil. Les gens ont cru que donc c'était à cause de la. C'était un événement très important. Donc c'était à cause de la mort du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait une relation entre l'éclipse du soleil et la mort du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit bien sûr, celui-là c'est le fils du prophète, c'est quelque chose, yani, c'est un événement azim. Donc la preuve, le soleil s'est éclipsé. Naam, il fait tout noir dehors. Alors, même le soleil doit être yani, en deuil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur montre que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. Si c'était une autre personne qui était c'était de la fausse prophétie, hein, il aurait profité, il aurait dit naam, le soleil a fait ceci à cause de moi, à cause de mon fils. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il montre la vérité aux gens. Il veut pas que yani, il ait de l'importance dans leur cœur. Il veut que le din ait de l'importance dans leur cœur. Ce que Allah aime ait de l'importance dans leur cœur. Il veut pas qu'il l'adore lui. Il veut qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'il leur, il leur montre la vérité. Il leur a dit, inna shamsu al-qamar, le soleil et la lune ne s'éclipsent jamais pour la mort de quelqu'un ou bien la vie de quelqu'un. Walakinnahuma ayatan min ayatillah. Mais ce sont des signes, ce sont deux signes, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup, beaucoup de signes qu'il montre aux gens, bien sûr. Ça, il a dit, ce sont deux signes, l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Il a dit, ce sont deux signes, de beaucoup, beaucoup de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pourquoi il y a l'éclipse? Il a dit, يخوف الله بهما عباده. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éclipse? Pour, il a dit, يخوف بهما عباده. Allah subhanahu wa ta'ala veut faire peur aux gens. Naam. Allah azza wa jal veut nous faire peur de façon à ce que quand on voit l'éclipse, on a peur. Dit Allah, le soleil, le luisant, le beau soleil jaune, masha'Allah, doré, il est devenu noir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du monde. Tu as peur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ. Si vous voyez l'éclipse, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, فَصَلُّوا وَدْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ. Donc faites la prière et faites des doigts jusqu'à ce que parte l'éclipse, jusqu'à ce que la chose redevienne normale. Bi'idhni azza wa jal. Quand il a dit ici sallu, c'est-à-dire sallu salat kusuf, c'est pas la salat yani, tu rentres à la maison, tu commences à faire la prière. Il a dit sallu, c'est-à-dire faites la prière du kusuf, la prière qui lorsqu'on l'a fait, bi'idhni azza wa jal, Allah azza wa jal va rendre au soleil sa nature, il le rend jaune comme il était, ou à la lune aussi, à la lune. Donc il a dit, et vous faites les doigts. C'est comme ça dans la sunna, on fait la prière jusqu'à ce que on voit qu'il n'y a plus d'éclipse, bi'idhni azza wa jal. Et la prière, pour ceux qui l'ont déjà faite, elle est très longue, hein. Et chaque raka, le ruku' lui-même a deux ruku'. C'est-à-dire tu dis Allahu Akbar et tu commences à lire. Tu lis beaucoup. Si tu peux, tu lis par exemple sorte al-Baqara. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Allahu Akbar. Tu descends incliné. Combien tu restes incliné? À peu près une heure. Tu restes incliné. Allahu bien. Subhanallah bihamdi subhanallah. À peu près une heure. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? Sami Allah liman hamida. Et tu restes à peu près une heure debout. Sami Allah liman hamida. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu descends pas. Tu prosternes pas. Tu t'inclines une deuxième fois. Deuxième inclinaison. Allahu Akbar, tu restes incliné et tu restes subhanallah bihamdi subhanallah. Ensuite tu te lèves la deuxième fois, sami Allah liman hamida. Ensuite tu descends, tu te prosternes, tu restes prosterné une heure ou la plus. Naam, tellement il faut faire les doigts et tellement yani, c'est quelque chose de difficile. Maintenant le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit walakinnahuma, mais ce sont deux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, yukhawifu bihima ibadah, pour faire peur à qui? À ses créatures. Regardez maintenant les gens, ils n'ont aucune peur quand c'est l'éclipse. Ils vont acheter des lunettes et ils applaudissent. Ils vont tous acheter des lunettes, ils vont se mettre en groupe et ils se disent, Masha'Allah, c'est l'éclipse, etc., je ne sais pas quoi, ils commencent à photographier. Ensuite, ils applaudissent et chacun, je ne sais pas, ils vont au bar boire quelque chose. Non, c'est parti l'éclipse. Alors que l'éclipse, c'est devenu un spectacle. Voilà la phrase que je voulais. C'est devenu maintenant un spectacle. Masha'Allah, yani on se groupe, on est là en train de rire, hein, en train de rigoler, en train de plaisanter, en train de alors que le prophète sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala qui veut vous faire peur. Donc allez faire la prière et faites beaucoup de doua. Tu ne sais pas que peut-être c'est la fin. Toi tu crois que ça va yani, devenir naturel, mais c'est possible que ça ne devienne pas. C'est possible que ça reste comme ça et que c'est la fin du monde. Qui t'a dit que ça va, toi tu crois au calcul, il va te dire yani, 30 secondes, ça veut dire 30 secondes, ensuite il n'y a plus l'éclipse. Il ne faut jamais faire confiance à ces calculs-là. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna shaytana idha sami'a an-nida'a bi salat ahala lahu dhuratun hatta la yasma'a sawtahu fa idha sakata raja'a fa waswasa fa idha sami'a al-iqamata dhahaba hatta la yasma'a sawtahu fa idha sakata raja'a fa waswasa. Ce hadith on l'a expliqué, ça fait quelques jours, on a dit que le shaytan quand il entend le adhan il ne veut pas l'écouter. Quand il entend le adhan qui appelle Allah, prie beaucoup mal. En enfer à cause de quoi? D'une sujda. À cause d'une prosternation qu'il n'a pas faite. Alors que ceux-là, les gens maintenant, ils entendent adhan, ils vont faire la prière, mashallah. Combien de prosternations dans Salat al-Dhuhr? Ah, ça lui fait très mal. Qu'est-ce qu'il veut? Quand il entend le adhan, il veut mourir. C'est le grand chagrin. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il n'a de solution que d'essayer de ne pas l'écouter. Et comment qu'il fait pour ne pas l'écouter? Il va faire des paix. Il va faire des paix, faire sortir des gaz comme ça, fort, pour qu'il n'écoute pas le adhan. Naam, pour qu'il n'écoute pas le adhan. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, 1649, hadith sahih, il a dit Inna shaytana aradadi, fa shidda aliyya, liyakta'a salata aliyya. Il a dit, déjà je vous dis comment ça s'est passé le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois il était en train de faire la prière et dans la prière elle-même il mettait comme ça sa main debout, sa main il la tendait vers l'avant, quand il a terminé il lui a dit qu'est-ce que tu faisais Rasulullah, tu tendais ta main, tu voyais tendre ta main vers l'avant, vers la Qibla, qu'est-ce que tu faisais? Il a dit naam, shaytan est venu et il a voulu que yani il m'annule ma salat. Non. Quand quelqu'un met une sutra, il faut laisser personne passer entre toi et la sutra. Si le shaitan, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu lui annuler la salat. Il veut lui passer entre la sutra et lui. Mais le prophète sallam le voit. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette particularité de le voir. Donc le prophète sallam, quand il l'a vu passer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu sa main comme ça, il l'a pris par le cou. Il l'a pris par le cou et il a commencé à serrer. Qal faza'tuhu, yani khanaqtuhu. Je l'ai étranglé. Dans un autre hadith, il a dit, un hadith sahih, il a dit, je l'ai étranglé au point où j'ai senti sa salive, la froideur de la salive dans ma main. Non, il a dit, je l'ai étranglé au point où il a commencé à faire sortir de la salive de sa bouche. Et sa salive, bien sûr, est tombée sur ma main. Naam. Subhanallah al-Azim. Ensuite, il a dit, « وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوْثِقَهُ إِلَى سَارِيَا حَتَّى تُصْبِحُ فَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانِ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا. Il a dit, ensuite, quand je l'ai étranglé et que la salive a commencé à sortir de sa bouche, J'ai pensé, je me suis dit, maintenant je vais l'attacher contre un pilier de la mosquée, je vais l'attacher pour que vous le voyez demain, pour que le matin, inshallah, vous allez le voir. C'était la nuit. Il a dit, vous allez le voir demain, inshallah ta'ala. Ensuite, il a dit, mais je me suis rappelé ce qu'a dit Sulayman. Sulayman alayhi salam, il avait fait ce doigt. Qu'est-ce qu'il avait dit? Rabbi habli mulkan, la yimbaghi li ahadin min ba'di. Ô Seigneur, fais-moi don d'un royaume que nul n'aura après moi. Que nul n'aura après moi de pareil. Donne-moi un royaume ou une puissance là que nul ne pourra avoir après moi. C'était quoi? C'était par exemple qu'il commandait les djinns. Sous les mains, vous savez qu'il commandait les djinns. Il les commandait, il leur donnait des ordres, ils travaillaient, ils bâtissaient, ils construisaient, ils allaient sous la mer, sous les profondeurs des mers, lui tirer les émeraudes, etc. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عمل دون ذلك وكنا لهم حافظين. Donc il est commandé comme quelqu'un qui a un grade dans l'armée, il commande les soldats. Vous faites ceci, vous faites cela, comme ça qu'il est commandé. Donc le prophète alayhi salam m'a dit, je me suis rappelé que yani Suleyman alayhi salam a fait ce doua que seul lui il commandait les shayatin, etc. Donc j'ai pas voulu yani le gêner. Donc j'ai laissé le shaitan partir comme ça. Khasi an yani maudit. Non. Dans un autre hadith Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna shaitan aqala. Le shaitan a dit. Qu'a dit le shaitan? Il a dit, wa izzatika ya rab, la abrahu uwi ya ibadak, ma damat arwahum fi ajsadihim. Le shaitan a juré par Allah. Il a dit, je jure par Allah. Il parle avec Allah en même temps. Il lui a dit que, tant que, tes créatures ont toujours l'âme avec eux, ça veut dire tant qu'ils sont vivants, wallahi je vais les égarer tant qu'ils sont vivants, jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la tombe pour que je le laisse. Tant qu'il est vivant, wallahi je vais l'égarer. Donc vous voyez que le shaitan nous a menacé, une grande menace. Il a dit à Allah sans crainte ni honte, il a dit wallah tant qu'ils sont vivants je ne vais pas les laisser. Allah, je serai du matin au soir avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu. Que lui a-t-il dit? Il lui a dit, wa izzati wa jalali. Il a juré par lui-même ses beaux attributs, par sa puissance et sa beauté. Il a dit, tu jures par moi-même que la azalu akhfiru lahum mastaghfaruni. Je jure par yani, ce qu'il a de beau que tant qu'ils me demandent pardon, je leur pardonne. Toi, tu veux les égarer du matin au soir. Wallah, tant qu'ils me demandent pardon, je leur pardonne. La hawla wa la quwwata. Regardez, yani, il fadl hada al-azim, cette faveur. Imaginez que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas dit cela. Khlas, on serait tous, biyadu billah foutu. Khlas, on peut nous épouser. Et du matin au soir, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wallahi tant qu'ils disent astaghfirullah, tant qu'ils font la tauba, moi je leur pardonne, même s'ils font du plus grand péché. Naam, même si tu fais du shirk, tu mets la croix, tu vas à l'église, tu vas à l'église, tu vas prier avec eux, tu vas chez les juifs, tu vas prier avec eux au mur, devant le mur de la honte. Naam, et puis tu regrettes et tu reviens vers l'islam et tu fais la tauba et tu te convertis, Allah subhanahu wa ta'ala annule tous tes péchés. Naam, annule tous tes péchés bi'idnillah azza wa jal. Ensuite il y a un autre hadith. Aujourd'hui les hadiths sont beaucoup sur le shaitan. Naam, yani, plus on connaît notre ennemi, plus on peut le combattre et plus on lui ferme les portes et les issues d'où il peut nous entrer. Quelqu'un qui ne connaît pas son ennemi, l'ennemi va faire de toi ce qu'il veut. Pourquoi tu connais pas ses ruses, tu connais pas ses pièges, tu connais pas ses armes, tu connais pas d'où il vient? Mais l'ennemi, c'est pour ça que avant de faire la guerre, faut d'abord dire c'est qui l'ennemi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a l'ennemi? Qu'est-ce qu'il a comme combien de fusées il a, combien de tanks, combien? Tu dois d'abord tout calculer pour le connaître, cet ennemi, pour savoir avec quoi tu vas le contrer. Si tu ne connais pas l'ennemi, c'est pas la peine de lui faire la guerre. Donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, Allah, comme aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilu al-mujrimin. Azza wa jalla a dit, et yani, je te donne les détails, etc., dans les versets, pour que tu connaisses bien le chemin des criminels. Naam, tu le connaisses bien. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith sahih numéro 1653, il a dit, inna shaytan la yastahillu ta'am alladhi lam yuzkar smullah alayh. Il a dit, le shaytan, si quelqu'un mange quelque chose, il dit pas bismillah, le shaytan mange avec lui. Naam, yastahill. Pour le shaytan, si tu dis bismillah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de manger, il ne peut pas manger. Non. Il ne peut pas manger quelque chose où c'est dit Bismillah sur elle. Il prend sa main revient vite, il ne peut pas. Mais s'il n'y a pas Bismillah, il mange. Il mange avec toi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِنَّهُ لَمَّا جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمَا. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils étaient en groupe comme ça, en train de manger. Le prophète alayhi wa sallam et ses compagnons étaient en groupe en train de manger. Je pense qu'on appelle Jifna, hein, ils étaient assis autour de quelque chose comme ça, en train de manger. Ensuite, une femme est venue, yani, c'est comme si quelqu'un l'a poussée de derrière. Les sahaba ont vu, on dit, subhanallah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle venait, c'est comme si quelqu'un l'a poussée de derrière. Ensuite, elle est venue directement et elle a jeté sa main dans le qasa. Comment on dit le qasa, elle a dit, j'ai pas trouvé. Elle a jeté directement sa main dans le grand hada récipient où ils étaient en train de manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'elle a jeté sa main, il l'a arrêté. Il a pris sa main par sa main comme ça et il l'a arrêté. Ensuite, il n'avait pas terminé qu'on a vu quelqu'un venir aussi, qui était venu de la campagne, qui venait comme si quelqu'un le poussait par derrière, subhanallah l'adim, et il a jeté sa main pour manger avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pris sa main. Ensuite, il a levé les deux mains et il leur a dit, Inna shaytan, shaytan, quand il sait que cette chose-là, par exemple, que vous allez manger, vous avez dit Bismillah, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de faire venir des gens pour que ils viennent manger, alors il mange avec eux. Naam, toi, quand tu dis Bismillah, tu as une assiette devant toi, tu dis Bismillah. Il est devant toi le shaytan qui attend, tu dis Bismillah, khlas, tu ne peux pas manger. Mais il attend peut-être que l'un de tes fils ou ton mari ou la X va venir manger avec toi et que cette personne ne va pas dire Bismillah. Si elle ne dit pas, il mange avec cette personne. Il tend sa main sur sa main, collée à la main de la deuxième personne et il mange avec elle. Naam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il est allé ramener cette femme. D'ailleurs, on la voit, il l'a poussée par derrière. Il l'a poussée. Ensuite, il est allé ramener cet homme pour qu'il mange avec nous, quand le prophète Hassan les a bloqués. Il leur a dit, le shaitan mange quand il ne peut pas manger, il essaie de manger avec ceux qui ne disent pas Bismillah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith sahih, Inna shaitana la yafraqu minka ya Omar. Inna shaitana la yafraqu minka ya Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar al-Khattab, il lui a dit, le shaitan a peur de toi, ya Omar. Ya Omar, le shaitan, il a peur de toi. C'est pour ça que on dit que quand le shaitan voyait Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu dans un chemin, il changeait de chemin. Naam, s'il voyait Omar venir de ce côté, il allait de l'autre côté. Alors que Omar ne peut même pas voir le shaitan, bien sûr. Et tellement le shaitan ne veut pas rencontrer Omar radiallahu ta'ala anhu. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih Tirmidhi de Sheikh al-Albani, il a dit لو كان نبي بعدي لكان عمر. Il a dit, il n'y a pas de prophète après moi. Et si jamais il y avait un prophète, ça aurait été Omar ibn Khattab. Naam. Comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il n'y a pas de prophète après moi. Et si jamais Allah venait à envoyer un prophète, il aurait envoyé Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Omar radiallahu ta'ala anhu, le troisième homme, non, plutôt le deuxième homme après tous les prophètes. On a tous les prophètes, ensuite vient en deuxième position Abu Bakr Siddiq, ensuite troisième position Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, masha'Allah alayh, cela bien sûr que les chiens, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala disent que celui-là c'est le shaitan, c'est le grand shaitan, non. Donc moi, une fois, j'ai entendu une cassette, l'un d'eux disait que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de châtier le shaitan, le jour du monde dernier, il commencera d'abord par Abu Bakr, le Abu Bakr et Omar. Ensuite, viendra le tour du shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala commence par Abu Bakr, ensuite Omar, il est châtié, ensuite il passera au shaitan, c'est-à-dire c'est le shaitan, ce qu'il a fait, c'est moins grave que ce qu'ont fait Omar ou Abu Bakr, mais nous on leur dit, c'est année tôt ou tard, il faut qu'on meure. Et ce jour-là, vous verrez, quand vous verrez Abu Bakr se dire venir ce jour-là, la meilleure créature après les prophètes, et vous verrez Omar radiallahu ta'ala anhu venir, vous saurez que vous n'êtes que de sales chiens, vous saurez que vous n'êtes que de la souillure. Quand vous serez comparé à la lumière avec, et le nour avec lesquels viendront Abu Bakr et Omar, ce jour-là, vous verrez que vous êtes de la souillure et que vous aurez une odeur qu'on voudrait fuir de vous à des kilomètres. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith toujours sahih, on parle du shaitan toujours, il a dit inna shaitana ya'ti ahadakum fa yaqul man khalaqa as-sama, le shaitan vient chez un de vous et lui dit qui a créé les cieux, qui a créé le ciel. Ensuite fa yaqul Allah, tu dis Allah. Fa yaqul man khalaqa al-ard, alors qui a créé la terre. Fa yaqul Allah, tu dis Allah a créé la terre. Fa yaqul man khalaqa Allah, qui a créé Allah. Il a dit فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُولْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il a dit si quelqu'un, le shaitan lui dit ce que je viens de dire maintenant, qu'il dise آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, j'ai cru en Allah, ou là, je crois en Allah et en son prophète, je crois en Allah et en son prophète. Dans un autre hadith il a dit tu craches trois fois à gauche comme ça, tu dis Abdullah Mustarif, tu dis Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. نعم آمنت بالله وبرسله أو بلوريال ورسله الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو bien tu dis ce hadith qui est très simple, qu'est-ce que tu dis, آمنت بالله ورسله, je crois en Allah et en son prophète. Ça c'est pour vous dire que quoi, que n'importe qui de nous, le shaitan lui vient et lui dit ces choses. Enfin qui a créé les cieux, bon ensuite qui a créé la terre, ensuite comment se fait-il que Allah Ta'ala n'a pas un début, c'est un peu impossible là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été créé, qu'est-ce qu'il a été créé, il commence à te dire comme ça, tu arrêtes, tu lui dis amantu billahi wa rasulihi, et tu te lèves, tu ne restes pas comme ça en train de méditer, tu te lèves et tu vas à la cuisine ou tu vas boire quelque chose là pour oublier. Non. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna shaytana, shaytan on parle toujours shaytan la'in, inna shaytana, ça va vous étonner si je vous disais qu'il y a un hadith qui dit n'insultez pas le shaytan, natasubu shaytan. Quelqu'un va me dire subhanallah, on n'insulte pas le shaytan, pourquoi? Naam, le shaytan c'est pas natasubu ou natal'anu, je vérifie dans l'Albani, le shaytan qu'est-ce qu'on lui dit, c'est pas on lui dit on commence à l'insulter, mais le shaitan on dit a'udhu billahi min shaitan rajim, a'udhu billahi min shaitan rajim, et comme ça on fait avec le shaitan, c'est pas que on commence à l'insulter ou là. Naam, je cherche ici qui dit latasubu shaitan, dans le hadith ici latasubu latal'anu, j'ai oublié ce hadith, ça fait longtemps que j'ai employé, نعم لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره, لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره, سلسلة صحيحة الشيخ الألباني tome 5 page 400 page 545. Donc le shaitan on n'insulte pas, mais le shaitan on lui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. Il a dit le shaitan, il est toujours avec toi dans tout ce que tu fais. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il est avec toi jusqu'à ce qu'il a dit, il assiste même à ton manger. C'est pour ça que vous savez qu'il assiste aussi quand l'homme fait quelque chose avec sa femme. Il assiste aussi, et si l'homme ne dit pas bismillah, l'homme jinnib na shaitan ou jinnib shaitan na razakhtana, il fait avec l'homme exactement ce que le fait l'époux avec son épouse. Que il faut l'éloigner surtout de ce moment-là. Il faut l'éloigner pour qu'il ne fasse pas la même chose que fait l'époux avec la femme. Donc pourquoi? Comme je disais, il est ils partent avec toi, ils t'assistent. Ils t'assistent dans toute chose. Sauf dans la salat, il ne fait pas la salat, mais il t'assiste. Il est en face de toi et en train de faire le ouswas. En train de te faire rappeler des choses, de te faire. Jusqu'à ce que tu ne saches plus comment faire la prière. Donc le shaitan, wal'iyadu billah, il est toujours avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand, jusqu'à ce que vous mangez, il a dit, فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ. Il a dit, donc quand vous mangez, et il vient, bien sûr vous allez dire Bismillah, il ne va pas pouvoir manger. Mais il a dit, quand vous mangez, des fois, il y a quelque chose qui vous tombe. Hein? Tu es en train de manger, ensuite, il y a quelque chose qui te tombe, supposons un morceau de pain ou là te tombe, ou là, un morceau de pomme ou là, ça tombe par terre. Il a dit, cette chose, quand elle tombe, vous la reprenez de la terre, vous l'essuyez et mangez-la. Ne la laissez pas au shaitan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shaitan peut manger la chose qui te tombe. Il ne peut pas manger avec toi de l'assiette. Mais si tu prends quelque chose et elle tombe, si tu la laisses par terre, il va la manger. Donc le prophète Hassan a dit, prends la chose qui est tombée, essuie-la et mange-la et ne la laisse pas au shaitan. Non, tu le laisses comme ça mourir de faim. Tu le laisses mourir de faim jusqu'à ce que qu'il sache qu'avec toi, c'est difficile qu'il mange. Alors il est obligé de sortir et d'aller chez les autres qui le laissent manger. Non. Bien sûr, quand tu prends la chose qui est tombée, tu l'essuies, tu dis bismillah, tu la manges. Il faut que cette chose ne soit pas, par exemple, une chose qui si elle tombe, là, elle se remplit de poussière, etc. Celle-là, on ne peut pas la manger. Pas des choses, par exemple, un morceau de pain, là, tu l'essuies, tu manges. Une pomme, tu l'essuies, tu manges. Mais il y a des choses, par exemple, qui sont, yani, juteuses, ou là, si elles tombent, elles deviennent toutes, yani, poussières, et, ou là, elles tombent, ou des cheveux ou les poils ou là celle-là bien sûr on va pas la manger, mais on mange la chose qui on peut essuyer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit فَإِذَا فَرَغَ فَلْيُعْلِقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامٍ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend une chose, il a dit quand tu termines de manger la sunna, quand tu termines qu'est-ce que tu fais? Tu ne commences pas par t'essuyer ou là te laver les mains, tu commences par sucer tes doigts, tu commences par sucer tes doigts pour la chose que tu as mangé avec la main. Tu as mangé une soupe avec la cuillère, tu vas pas sucer les doigts. Mais si tu as mangé avec du pain, hein, et tu as mangé par exemple le marqa, tu as mangé bouzellouf, tu as mangé douara, c'est ce qu'il faut. Quand tu termines, tu suces tes doigts avant de les laver. Non, il a dit pourquoi? Il a dit parce que tu ne sais pas où est la bénédiction. Sur quel doigt où est la bénédiction. Donc, si tu vas laisser tes doigts comme ça, tu vas laisser la bénédiction sur tes doigts. Mais si tu suces tes doigts, alhamdoulilah, la bénédiction va rentrer bi'idnas azza wa jal dans ton corps. Et ce sera bien sûr shifa. Ce sera inshallah ta'ala un médicament. Dans un autre hadith qui n'est pas là, mais je l'ai lu aussi dans le Sahih Jami' al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suce, quand tu termines, suce tes doigts, ou bien, il a dit, ou bien fais-les sucer. Fais-les sucer. Les ulama ont dit, je crois que c'est Cheikh Abel qui a expliqué le hadith, je crois, si j'ai pas oublié, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Il a dit, par exemple, tu donnes à ton enfant de sucer ton doigt. Tu donnes à ton enfant de sucer ton doigt. Pourquoi? Pour que la baraka rentre dans son corps. Pour que la baraka rentre dans son corps. Donc, ou bien tu le fais toi, ou bien tu le donnes à tes enfants ou la nam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن الصالحين يشدد عليهم. Il a dit les pieux, question d'épreuve, question de test, ils n'ont quoi? Yani, c'est difficile pour eux. Vous savez que plus on est pieux, plus yani, les épreuves qui te dépassent, de façon à ce que خلاص, tu sois dans la et tu délaisses la salat. Et oh, on n'est plus musulman, on va rentrer au christianisme. Non, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu as du iman, plus il te donne quoi? Il te donne certaines fitnas. Plus tu as du iman, plus il te donne certaines épreuves et certains tests qui sont à ton niveau. Ça veut dire que tu peux les parer. Tu peux ces fitnas, tu peux, yani, inshallah ta'ala, les contrer. Il te donne d'après ton iman. Alors il a dit, c'est des pieux. Des pieux. C'est pour ça qu'il y a un autre hadith qui dit que ce sont les prophètes, les messagers qui ont les plus grandes épreuves. Ensuite, il a dit, As-Salihun, il a dit l'Amfal fal-Amfal. Ensuite, les pieux, on descend comme ça, d'après l'Iman. Plus l'Iman descend, plus les tests sont petits. Non, plus les... Il a dit, d'ailleurs, vous avez remarqué que, je ne sais pas moi, Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, que pensez-vous de lui? Masha'Allah, il avait l'Iman ou là il n'avait pas? Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, il avait l'Iman ou là il n'avait pas? Il allait à la mosquée qui était loin de lui à peu près de 2 km. Il allait des fois à pied. Il allait toujours à pied. Même quand on s'arrêtait pour le prendre dans une voiture, il n'aimait pas. Il n'aimait pas jamais monter dans la voiture parce qu'en allant, il récitait le Coran pour réviser et en revenant, il révisait le Coran, il profitait. Des fois, il allait pieds nus. Des fois, il allait pieds nus à Salat al-Fajr. Pourquoi? Parce que le prophète Hassan a dit dans un hadith que celui qui peut pour vous, Inch'Allah, il marche pieds nus de temps en temps. Hein, tu marches pieds nus pour te rappeler que tu n'es rien, tu n'es pas à ce que pieds nus, tu seras pieds nus, demain tu seras nu pour te rappeler. Cheikh Ibn Uthaymeen le faisait, Allah yarhamou, des fois, il allait pieds nus il allait à la Salat al-Fajr. Pourquoi il a choisi Salat al-Fajr? Pour que les gens ne le voient pas, ils disent il est devenu fou. Celui-là, il est devenu fou, il marche pieds nus. Al-Muhim, Cheikh Ibn Uthaymeen, à qui le prince ou le roi en personne lui a envoyé une voiture, une dernière marque, lui a donné comme cadeau. Les gens qui lui ont fait venir la voiture, ils l'ont déposé devant sa maison. À l'endroit où ils l'ont déposé, Cheikh Ibn Uthaymeen Lahmou ne l'a jamais touché, ni ouverte, ni rentré dedans, ni n'a conduit la voiture. Jusqu'au jour où il a téléphoné au responsable, il aura dû, Barakallahu fikoum, venez prendre la voiture. Elle est devenue toute poussière, elle est devenue comme une vieille voiture. Prenez la Barakallahu fikoum. Je ne suis pas le genre, j'aime pas ce genre. Et ils sont venus, ils ont pris la voiture. Celui-là, Allah yarhamou, avant de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala, que lui a-t-il donné? Il lui a donné le cancer. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Est-ce que Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah ta'ala lui donne le cancer parce qu'il n'aime pas? Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Bukhari, Man yurid bihi Allah khayran yusab minh. Dans une autre version, Yusib min. Il a dit, quiconque veut Allah subhanahu wa ta'ala de lui du bien, il lui fait des épreuves. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamou, sûrement que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'élever beaucoup plus avant de mourir. Il a voulu l'élever au maximum avant de mourir, tant qu'il lui a donné cette grande épreuve qui est cette maladie qui est très dangereuse. Et il a, alhamdoulilah, il a patienté et il est mort, rahimahullah ta'ala. Il n'a jamais dit aux gens que j'avais cette maladie, sauf à ses proches qui savaient. Ils devaient savoir qu'il est parti à l'hôpital, etc. Quand quelqu'un nous a dit, il faisait des douros et personne ne savait qu'il avait le cancer. Et à la fin de la vie, il lui restait quelques semaines là pour mourir, il faisait les douros. Il a dit, mais il a commencé à lever la voix un peu plus que d'habitude. Il a dit, pourquoi? Parce que c'était à cause de la maladie qui lui faisait mal, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. Certains gens disent, en parlant du cancer, ou bien en parlant du sida par exemple, ils disent al-marad al-khabith. Ils disent al-marad al-khabith. De préférence, on ne dit pas al-marad al-khabith et ça ne se dit pas. Il faut dire al-marad al-khater, la maladie dangereuse. On ne dit pas la maladie khabitha. Parce qu'elle est d'Allah. On ne dit pas khabitha d'elle. La maladie de Allah subhanahu wa ta'ala te la donne pour t'enlever les péchés si tu es impur. Ce n'est pas quelque chose de khabith. Tu dis la maladie khatera, la maladie dangereuse. Non, car le sida, c'est une maladie dangereuse et même le cancer. Ensuite, le prophète sallam a dit dans le même hadith, wa innahu la yusibu mu'minan nakbatun. Il a dit, le croyant, il n'y a pas une chose qui le touche, ou un malheur, min shawkatin, à partir de l'épine. Quand on a une épine dans le doigt ou là dans le pied ou là, fama fawqa dhalik, épine et plus, une épine et plus, illa hattat anhu biha khati'atan, il n'y a pas une épine et plus comme malheur qui ne t'enlève pas un péché. Wa rufi'a lahu bi'a daraja, et elle te fait élever d'un rang. Naam. Une épine, quand elle rentre dans ton doigt, tu la tires, hein, ce petit mal qu'elle t'a fait, elle t'a enlevé un péché ou plus, et elle t'a élevé un rang عند Allah subhanahu wa ta'ala. Pour bien sûr, pour qui? Pour ceux qui patientent et disent قدر الله ما شاء فعل إن لله وإنا إليه راجعون. On أجرني في مصيبتي وخلف لي خير منها. Bien sûr, on ne dit pas ça pour une épine, mais on dit pour quelque chose qui vraiment nous a fait mal, mais pour un malheur qui nous a vraiment anéchagéné. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1661, le hadith 1661, il a dit, c'est un hadith sahih, il a dit إن الصبر عند الصدمة الأولى. Il a dit إن الصبر عند الصدمة الأولى. Il a dit la patience, c'est au premier choc. La patience, c'est au premier choc. Qu'est-ce que ça veut dire la patience au premier choc, et pourquoi qu'il a dit ce hadith? Il est cité ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé une fois au cimetière. Il est allé au cimetière, peut-être pour visiter les morts, peut-être pour Ibrahim alayhi salam. Quand il est arrivé au cimetière, il a vu une femme devant une tombe en train de pleurer. Il lui a dit Taqillah usbiri, ou bien il lui a dit, pardon, je ne sais pas Taqillah, il lui a dit Isbiri. Il lui a montré que, ou bien il a entendu par nasiha, yani, il lui a fait la nasiha de patienter. Isbiri. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit Ilayka anni, éloigne-toi de moi. Subhanallah, il lui a dit yani, patiente, elle lui dit éloigne-toi de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a rebroussé chemin, donc il est parti. On a dit à la femme, tu sais à qui tu as dit éloigne-toi de moi? Elle a dit, je ne sais pas qui c'est celui-là. Il lui a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, la hawla wa la quwwata, je ne savais pas, Allah, je ne savais pas. Elle est allée, yani, derrière lui, ensuite quand elle est arrivée, elle lui a dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yani, je ne t'ai pas reconnu, etc. Elle s'est excusée. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit innama sabru inda sadmatil ula, innama sabru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit yani, pourquoi tu as dit ou là, non c'est grave, je suis un prophète, ça se dit pas. Non, rien, il lui a rien dit de cela. Même quand elle est revenue s'excuser, il lui a dit, je veux te dire que sabr, la patience, c'est au premier choc. Ça veut dire toi quand il est mort où tu étais là-bas au cimetière, ça veut dire que c'est dans le premier choc qu'on connaît si quelqu'un est patient ou pas. Naam, c'est juste les premières minutes, la première heure du choc. C'est là-bas qu'on reconnaît le vrai patient du menteur. Car après un mois ou là, après une année ou là, tout le monde est patient. Tout le monde est patient après une année du choc. Mais la minute du choc, le jour du choc, l'heure du choc, c'est là-bas qu'on peut connaître quelqu'un, si c'est un pieux ou là un faux, ou là un faux dévot. Naam. C'est là-bas qu'on voit celui qui dit قدر الله ما شاء فعل إن لله وإنا إليه راجعون l'homme أجرني في مصيبتي وخلف لي خير منها, et celui qui lève sa tête vers le ciel et insulte Allah. Là-bas on voit la différence, celui qui fait les doigts et celui qui insulte Allah, et celui qui insulte l'islam, et celui qui insulte din, et celui qui dit les gros mots. Et on voit celle qui se griffe les joues, on voit celle qui se déchire les vêtements de sa poitrine, et celle qui dit ya wayla, ya wayla, ya waylata, ya wayli, ya wayli. Là-bas on voit la différence entre les premiers, ceux qui disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et ceux qui disent ce que je viens de dire. C'est dans le premier choc que tu reconnais. Non, quand il y a un mouchkil, le problème, regarde la réaction des gens pour savoir si ce sont de vrais pieux ou là ce sont de faux. Le faux, il va pas se retenir. Il va commencer à insulter Dine et à dire pourquoi tous les malheurs du tombent, ya Allah, pourquoi tous les malheurs du monde tombent sur moi. Ya Allah, pourquoi les malheurs spécialement pour moi? Pourquoi tu ne donnes pas les malheurs à X qui boit de l'alcool et qui fait la zina? Tu lui donnes pas de malheur. pourquoi tu me donnes les malheurs à moi? Certains disent, Ya Allah, tu m'as pris 2 enfants. Ça suffit pas, tu viens de me prendre le 3e. Ya Allah, tu m'as pris 2 enfants. Tu m'as pris mon mari. Ça te suffit pas, tu me prends ça? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Je disais, ya, c'est difficile. C'est difficile. Il faut pas l'insan, yani, il se croit qu'il est quelque chose ou là. C'est difficile. Mais il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, sabat. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi? De raffermir son cœur, surtout dans les moments des grandes épreuves et des grands tests. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal donne des tests et des épreuves pour nous prouver si nous sommes des vrais ou nous sommes des faux. Alif la mim, ahasib al-nas. يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous montre qui de vous sont les vrais sadiqin et qui ce sont les kadibin, les menteurs. Car s'il n'y a pas de test, s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de test, comment qu'on va savoir quel est le pieux? On est tous, mashallah, tous on a la barbe qui arrive au nombril et on a le qamis qui est court et on est tous à la mosquée du matin au soir et toutes les sœurs ont le jilbab et le niqab, mashallah, avec les gants. Ouais, on est tous mashallah et tous mashallah. Comment qu'on va savoir alors? On va savoir avec les épreuves et les tests. On va savoir le vrai et le faux. On va savoir celui qui faisait, qui a fait ça pour Allah et celui qui a fait ça seulement pour les gens. Dès qu'une petite épreuve, un petit vent qui frappe et il commence, yani, il commence à faire disperser les gens, ceux-là de ce côté et ceux-là de l'autre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et qu'il nous guide et qu'il raffermisse nos cœurs, bi'idna subhanahu wa ta'ala, surtout dans les épreuves, surtout dans les épreuves. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1662, le hadith sahih qui est vrai, il a dit, inna sakhrata العظيمة لا تلقى من شافير جهنم فتهوي بها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des fois Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de jeter à Jahannam. Il jette quoi? Il jette le grand rocher, le grand grand rocher. Vous savez, il y a des rochers qui pèsent des tonnes et des tonnes. Il a dit, on le jette et il reste 70 ans pour toucher. Il a dit, il n'arrive pas à toucher le fond de Jahannam. Yani, pour savoir que Jahannam, combien c'est profond. Et plus quelqu'un descend dans Jahannam, plus son châtiment est plus grand et plus sévère et plus difficile. C'est pour ça que l'ange du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera dans Jahannam, dans la partie la plus haute. Et plus on descend, d'après les mauvaises actions qu'on faisait ici, plus le azab et le châtiment devient plus dur et plus insupportable. C'est pour ça que les hypocrites seront dans la partie la plus inférieure. Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar, comme a dit Allah dans le Coran. Les hypocrites seront dans la partie la plus basse. Pourquoi? Parce que le kafir qui n'est pas hypocrite est mieux que le kafir qui est hypocrite. Le kafir qui n'est pas hypocrite, il t'a dit, je suis contre toi, je suis contre l'islam, je n'aime pas l'islam, je n'aime pas Mohammed, ce Mohammed je n'aime pas, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le munafiq, l'hypocrite, il t'a fait croire qu'il était musulman, il était avec toi à la mosquée, il a fait avec toi le jeûne, tu crois qu'il a fait, tu le vois le hajj avec toi, alors qu'en son intérieur il ne croyait pas ni en Allah ni au jour du jugement dernier. Il faisait ça par peur ou la par intérêt. Des fois, yani, par intérêt, les gens font la prière. Moi je connaissais certains qui, lorsqu'ils voyaient que ce n'est pas loin les votes pour devenir des personnages, etc. Ils savaient que nous sommes par exemple dans une ville, la plupart sont des héros, etc. Ils commencent à faire la prière. Ils commencent à faire la prière juste pour que tu votes pour lui. et qu'il gagne ou il ne gagne pas, ça ne fait plus la prière. Il l'a fait juste pour yani, le vote. On a ce genre. Donc, Jahannam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il leur donne de jeter un rocher à l'intérieur, des fois, il reste 70 ans. La descente fait 70 ans, il n'arrive pas. Imaginez quand on jette un caillou qui reste 70 ans en train de descendre. Combien qu'il doit y avoir donc de kilomètres vers le bas? Combien qu'il doit y avoir de kilomètres pour descendre 70 ans? Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit Inna sa'id al-tayyib wadu'u al-muslim wa innam yajid al-ma'a 10 sinin fa idha wajad al-ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika huwa khayrun falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khayr. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qu'il parle du tayammum. Il a dit le tayammum c'est le wudu du muslim. Naam, wudu ici avec fait, ça veut dire c'est il remplace le wudu, il remplace l'eau. Le tayammum remplace l'eau. Il a dit wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin. Il a dit même s'il ne trouve pas l'eau pendant 10 années. Naam. Le tayammum, si tu n'as pas d'eau ou là tu es malade, tu l'emploies jusqu'à ce que tu trouves l'eau ou là que tu ne sois plus malade, même si tu dois rester 10 ans avec le tayammum. Naam. C'est une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit فَإِذَا وَجَدَ الْمَا فَلْيُمِسْهُ بِشَرَةٍ. Il a dit mais à condition s'il trouve l'eau il faut qu'il fasse des ablutions, car si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une permission, il te l'a donné car tu es excusé, tu es malade ou là tu n'as pas d'eau, là tu as peur de tomber malade, ou là l'autre fait mal, ou là il fait froid, ou là, enfin il y a des excuses. Mais maintenant s'il y a l'eau, là tu es malade ou là, attention, Allah subhanahu wa ta'ala sait que tu n'es pas excusé. Allah azza wa jalla sait si tu n'es pas excusé, il sait que tu n'es pas excusé. C'est pour ça que dans le tayammum, vous remarquez qu'il y a deux sortes de gens. Il y a la première sorte qui dit j'ai peur que ma salat avec le tayammum ne soit pas acceptée. Non. Moi je préfère que je fasse le rosse quitte à mourir. Et celui-là, que s'il fait comme ça et il meurt, que ça veut dire que il s'est tué. Il s'est tué. Non. Parce que Allah lui a donné la permission de faire le tayammum, il est malade, il n'a pas voulu. Et c'est exactement ce qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un compagnon radiallahu ta'ala anhu avait eu la nuit la janaba. Quand il s'est réveillé le matin, il a dit, vous savez que il y a quelques jours je suis tombé, j'ai même ici une blessure dans ma tête, yani assez profonde. C'était peut-être même la plaie était ouverte. Il a dit, vous savez, j'ai la plaie aidée, comment je fais pour la janaba? Est-ce que je fais le tayammum, là je dois me laver? Et ils lui ont dit, il faut que tu te laves. Il s'est lavé, il est mort. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent de cette affaire, on lui a dit voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit? Qataluh, qatalahumullah. Ils l'ont tué, Allah subhanahu wa ta'ala les tue. Qataluh, qatalahumullah. Ce sont eux qui l'ont tué. Qataluh. Il a dit Hella sa'alu id lam ya'lamu, puisqu'ils ne savaient pas, pourquoi ne m'ont-ils pas posé la question? Pourquoi ils lui ont donné une fatwa comme ça sans poser de question? Pourquoi ils n'ont pas voulu? Innama shifa'ul 'ayy su'al. La guérison du 'ayy, l'ayy c'est le jahl. La guérison de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question. Naam. Il a employé le mot la guérison pour dire que l'ignorance c'est une maladie. Il a dit la guérison de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question. Naam. Nous sommes tous ignorants, donc nous sommes tous malades. Où est le médicament? Il n'est pas chez le pharmacien. Il est chez le alam. Tu vas chez le alam, tu lui dis qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose et qu'a dit son prophète. Quand il te donne le médicament, il est là pour guérir. Donc, quiconque est ignorant, il est malade. Il a besoin de médicaments qui se trouvent chez les ulama. Donc, le prophète alayhi salam leur a dit pourquoi n'ont-ils pas demandé quand ils ne savaient pas. Ils m'ont tué. La hawla wa la quwata illa billah. Donc, c'est comme ça en ce qui concerne le tayammum. il est valable tant que j'ai l'excuse. Ça, c'est la première sorte des gens, naam. La première sorte qui disent que moi, j'emploie pas le tayammum. J'ai peur du tayammum, je ne suis pas très sûr, je préfère l'eau. Naam, bien sûr, ce sont des ignorants. La deuxième sorte, c'est celle qui, sans excuse, fait le tayammum. Naam, un petit rhume. Il est juste, il a éternué une ou deux fois. Ah, il dit, non, moi je fais le tayammum, je peux pas. Un petit rhume. Un petit mal de tête. Et il dit, je fais le tayammum. Une petite fatigue. Et je fais le tayammum. Et comme ça. Et nous, Inch'Allah, Sunnah ou Jama'a, au milieu. Si je suis malade, si j'ai une excuse, je fais le tayammum 20 ans et 30 ans. Jusqu'à ce que je guérisse. Et si c'est le contraire, je ne fais jamais le tayammum. Parce que je sais que, donc je peux faire mes ablutions, le tayammum est batal, il ne compte pas. C'est pas la peine d'essayer de tricher dans ce panache, c'est qu'il ne compte pas. C'est que dans ces cas-là, il ne compte pas. Bien sûr, qu'est-ce qu'il reste encore des hadiths à dire? Bon, je termine là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith 1760, qui est un hadith bon, Hassan, il a dit, Inna l'abda. Il a dit, quand la personne se trompe, elle fait une faute. Et nous tous, on se trompe et on fait des fautes du matin au soir. Comme a dit le prophète, il a dit, Kullu bani Adam khata. Toutes les personnes ont des fautes. Mais les meilleurs des fautifs, ce sont qui? Ce sont ceux qui, lorsqu'ils font des fautes, reviennent et regrettent et se repentissent. Voilà. Donc, ce qui est grave, ce n'est pas de faire la faute, mais c'est de ne pas se repentir. Car les fautes, tout le monde en fait. Mais est-ce que tu te repentis ou est-ce que tu ne te repentis pas? Il a dit, quand quelqu'un fait une faute, nous qui t'étions, il y a comme un point noir qui va être marqué sur son cœur. Imaginez, le cœur, il est blanc, ensuite il y a un point noir qui va être mis sur son cœur. Une petite tache noire, il a dit. Il a dit, si cette personne, après avoir fait la faute, regrette ou tab et fait le repentir, son cœur redevient de nouveau blanc comme il était. C'est comme à peu près le soleil par exemple, qui est caché par exemple un nuage. Le soleil était, mashallah, jaune et luisant et brillant. Maintenant, il a été caché par un nuage. C'est comme ça quand tu fais une faute. Le soleil, c'est ton cœur. Maintenant, ton cœur, c'est le soleil. Maintenant, le soleil est caché par un nuage. Il ne donne rien, ni chaleur, ni il est beau, ni luisant, ni rien. Ensuite, le nuage se dissipe. Pourquoi? Parce que tu viens de faire le repentir. Et le soleil, on peut le voir de nouveau, il est là, mashallah. Ton cœur est redevenu, mashallah, comme il était. Pourquoi? Parce que tu as fait le repentir. Il a dit, wa in ada. Maintenant, s'il revient, il va refaire la deuxième faute. Zida fiha hatta ta'lu ala qalbi. Maintenant, s'il refait la faute, la tache noire va revenir. Mais, avec quelle différence? Elle va revenir un peu plus grosse ou la plus grande que la première tache. Parce que là, tu savais et tu sais et tu reviens. Donc, la tache va être un peu plus grosse. C'est ça la mouchkira. Il a dit, وهو الران الذي ذكر الله تعالى في قوله كلا بل ران على قلبهم مثل الكتمون. Il a dit, et comme ça, si la personne ne revient pas jusqu'à ce que la petite tache commence à grandir jusqu'à ce que elle lui couvre tout le cœur, et ça devient un voile entre son cœur et quoi, et din, son cœur et Allah, son cœur est le prophète, son cœur est l'islam. Yani, tu auras un voile, tu ne vas plus voir, yani, la réalité, tu ne vas plus voir la sunna, tu ne vas plus voir les choses comme elles sont. Là, on a le cœur qui a été voilé, ou l'ayadu billah. Parce que vous savez que, comme on a des yeux pour voir, on a des yeux dans le cœur, ou un œil dans le cœur pour voir din, avec les yeux qui sont les deux yeux. On voit les choses dont on a besoin de la vie, tu vois manger, tu vois le bus, tu vois où est ton travail, tu vois où sont tes enfants, où est l'argent, où tu as caché les euros, et alors avec tes yeux. Avec l'œil de ton cœur, tu vois quoi? Tu vois ce qu'il faut faire envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois ce qui rapproche au paradis, tu vois ce qu'il ne faut pas faire pour l'éviter, etc. Maintenant, c'est pour ça que le plus important, c'est l'œil du cœur et non pas les deux yeux. Naam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ لَكِ فِي الصُّدُورِ. Il a dit, ça ne rend pas aveugle les yeux, mais ça rend aveugle le cœur qui se trouve dans la poitrine, le cœur. C'est pour ça que combien de gens ont des yeux, mais ce sont des aveugles, aveugles de cœur. Naam, combien de gens ont des yeux, mais ils sont aveugles de cœur. Et combien de gens sont aveugles, ils ne voient pas, mais ils voient avec leur cœur, mashallah. Ils voient avec leur cœur. Là, je l'ai dit dans le Coran, وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Subhanallah. وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tu les vois en train de te voir, mais ils ne sont pas en train de voir. Ça veut dire, tu les vois en train de te voir avec leurs yeux, mais ils ne te voient pas avec leur cœur. Le cœur. Ils ne voient pas avec leur cœur. Tout ce que tu dis pour eux, c'est pas vrai. Tout ce que tu récites comme verset, c'est pas vrai. Ils nient. Donc, ils te voient seulement avec leurs yeux. Ils te voient pas avec leur cœur. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Il a dit, quiconque était dans cette vie un aveugle du cœur, il sera le jour du jugement dernier un aveugle du cœur aussi. Naam. Il sera aussi un aveugle. Et c'est pour ça que quiconque ici n'a pas été dans le dîn, etc., il sera aussi un aveugle des yeux. Des yeux. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ya Allah, pourquoi tu m'as fait venir maintenant le jour de la résurrection aveugle, alors que je voyais avec mes yeux. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah Azza wa Jalla a dit, mais quand tu vivais, hein, tu n'as pas voulu croire. Tu n'as pas voulu croire en mes signes, en mes versets, en mon Coran. La même chose, tu as délaissé. La même chose aujourd'hui, tu dois être aveugle ici. Naam, tu viendras comme aveugle. Les gens, les kuffars viendront le jour du jugement dernier aveugle, l'ayadu billah, aveugle. Ensuite, à Jahannam, ils seront sourds et muets. Pas seulement aveugle, aveugle, sourds et muets. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam. طيب توقف هنا ان شاء الله تعالى جارت ici باذن الله سبحانه وتعالى parce que juste maintenant il y a un hadith qui prend deux pages, un seul hadith qui a deux pages et demie. Naam, qui parle de quand on meurt, comment ça se passe quand on rentre dans la tombe, exactement qu'est-ce qui se passe dans la tombe. C'est le prochain hadith du prochain dars باذن الله سبحانه وتعالى. On se rencontre inshallah ta'ala dans 10 minutes ou un quart d'heure. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب d'abord je fais une petite remarque pour les frères qui reçoivent les questions. Il y a des frères qui se plaignent. Ils disent parce que ils se laissent en mode, ils peuvent pas recevoir. Alors on est obligé d'écrire des fois aux sœurs. Donc je demande aux frères, yani, de ne pas se laisser en mode où ils peuvent pas, yani, on peut pas lui écrire des lettres, pardon, des questions. Donc ils doivent, inshallah ta'ala, enlever la farde. Enlever et rester en mode de réception, inshallah ta'ala. Naam. Taïb, maintenant. Je disais que. Naam. Yes, quand tu ouvres tes PV jusqu'à la fin. À la fin du cours. Il faut ouvrir maintenant, naam. Ouvrir maintenant. طيب, on commence, inshallah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu salam. Sans perdre de temps, Ilyas, regarde-moi dans la liste s'il y a une sœur qui s'appelle Zanjabila. Regarde dans la liste s'il y a une sœur qui s'appelle Zanjabila. Ensuite, pour ne pas oublier, je voudrais dire الأخت ساكنة بنت بنت فتيحة ولا بنت فتيحة ك الله يبيدنا سبحانه عز وجل 18 dans l'akhir dans son contrôle si n'est pas oublié 18 ou plus ça si n'est pas oublié inshallah ta'ala نعم on commence Allah ta'ala la première question تفضلوا n'y est plus خلاص طيب avant de commencer inshallah الألباني تفضل الألباني je te donne الألباني تفضل شفتك رافع اليد تفضل إذا عندك شيء أعطيك اللاقط تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت واضح أيها الأخوة أحبكم في الله تعالى لا يجمعنا بكم إلا الحب في الله تعالى فقط أردت أن أسمعكم صوت قارئ صغير صوته جميل جدا عجبني ولا يعجبكم فأسجله الآن جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا جزاك الله خيرا أخينا الألباني وبارك الله فيك على هذه القراءة الماتعة صوت ما شاء الله وسأل الله أن يزيده يعني من علمه وأن يزيده في الصوت وأن يزيده يعني في الفضل أيضا كان فيه مع آخر شيء كان فيه تقاطع آخر شيء كان فيه نوع من التقاطع ما أدري ليش بس جزاك الله خيرا وبارك الله فيك نلتقي إن شاء الله في صلاة الصبح وصلي بينا إن شاء الله في المسجد بصوتك الجميل بارك الله فيك جزاك الله خيرا نعم آمين نعم avant de commencer إن شاء الله تعالى je cherche, inshallah ta'ala, une sœur ou là un frère, mais qui soit sérieux pour m'aider spécialement pour les cours de Aqida. Il y avait une sœur, qui s'appelle une sœur musulmane, elle m'aidait dans la Aqida, elle me résumait les cours que vous lisez, elle m'enregistrait, ensuite me résumait mes cours. Elle les donnait, je les mettais dans le blog. Maintenant, mashallah, elle est en période de grossesse, elle peut pas. C'est pour ça que je demande s'il y a un frère ou là une sœur. Un seul suffit. mais quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de sérieux, ça veut dire qu'il commence jusqu'à ce que la sœur revienne, c'est-à-dire au moins 6 mois ou là. Même si elle revient, s'il veut continuer, il continue, il partage le travail, inshallah. S'il y a quelqu'un qui veut m'aider dans la aqida, ça veut dire qu'il m'enregistre et il fait le résumé de ce que je dis. Et bien sûr, quand il fait le résumé, il peut aller, par exemple, ajouter un verset ou là, si ça a un rapport avec le dars. De toute façon, moi, je vois ce qu'il écrit. Ensuite, inshallah ta'ala, il me contacte dans ma boîte, bi'idhni subhanahu wa ta'ala. Quand je montre, inshallah, la première question, c'était une personne qui est atteinte de mess et qui se soigne seule. Quels sont les signes qui prouvent qu'elle est sur le chemin de la guérison et qu'elle prend le dessus par rapport au djinn? Naam. Bismillahir Rahim. Wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Le djinn, il y en a tellement de sortes que chaque ruqya peut différer d'une autre ruqya. Naam. Deux sœurs dans la même maison, et puisque ce n'est pas le même djinn, des fois celle-là, cette ruqya est facile, pour l'autre c'est difficile. Donc, mais ce que je veux dire, les ruqya se ressemblent en un point, c'est que quand on fait la ruqya, il ne faut pas s'arrêter, parce que tu es en train de faire le djihad avec quelqu'un qui est en face de toi et qui est patient. Il se dit, allez, je vais patienter aujourd'hui, allez, je vais patienter demain, peut-être qu'il ne va plus revenir, peut-être que c'est la dernière fois qu'il va faire ruqya, alors que toi, tu es toujours là. C'est pour ça que nous, inchallah ta'ala, quand on allait faire la ruqya, on parlait comme ça spécialement pour que le djinn sache. On disait que même si tu ne sors pas demain, nous on est tous les soirs ici, allez, tu te fatigues, c'est tout. Nous, inchallah, on peut venir tous les soirs. Yani, ne te fatigue pas beaucoup. Hein. Si tu dois sortir, sors aujourd'hui, c'est mieux. Donc, comme ça, la ruqya, quelqu'un, quand il la commence, il persévère jusqu'à ce que le djinnaza faiblisse. S'il ne veut pas sortir, il faiblit. Il se dit, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, Yahouyana, je suis fatigué. Si ces gens-là, ils n'arrêtent pas de ruqya, moi je ne peux plus avec cela. Au mieux que je change de victime, il va chercher une autre proie. Naam. Donc, pour savoir si elle guérit ou pas, elle regarde, yani, elle-même, ses réactions. Cette personne regarde elle-même ses réactions. Est-ce que, par exemple, si elle tombait beaucoup maintenant, est-ce qu'elle ne tombe pas beaucoup? Si elle a des symptômes, les symptômes, est-ce qu'ils ont changé ou là, ils n'ont pas changé? Mais moi, je lui conseille de continuer la ruqya et elle verra, inshallah, tôt ou tard, elle verra, inshallah ta'ala, le résultat. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Et le djinn, quand il sait que Damon, c'est toujours la ruqya, il viendra le jour où il doit décider de partir, bismillah, subhanahu wa ta'ala. Car c'est quelqu'un qui résiste. Vous avez entendu tout à l'heure ce qu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, tant qu'ils ont leur âme, ils ne sont pas morts, je serai avec eux, contre eux, et en train de les égarer. La hawla wa la quwata, illa billahi subhanahu azza wa jim. Fadla inshallah, akhir su'al ladhi ba'da. Avons-nous le droit de dire d'une personne qui fait shahada et qui prie que c'est un kafir ou un munafa, comme ceux qui iront dans le fond de l'enfer à cause des fautes commises? Celui qui dit de quelqu'un qui fait la shahada, qui fait la prière, qu'il est un kafir, celui-là, premièrement, il n'est pas de Al-Sunnah ou Jama'a, deuxièmement, j'ai bien peur pour lui, car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un dit à quelqu'un kafir, yani cette chose revient et tombe sur lui. Donc maintenant ça devient grave pour lui. Donc c'est pour ça que nous, quand on voit quelqu'un faire la prière ou là on a entendu quelqu'un dire shahadu la ilaha illallah, pour nous il est musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait s'il est sadiq ou là si c'est un kadib, c'est un hypocrite, ou là si c'est quelqu'un de sadaq, yani, comment on dit sadaq, yani, quelqu'un qui n'a pas menti. Ça, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. À condition, bien sûr, qu'il n'annule pas sa shahada. Yani, il n'insulte pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fasse pas le sujoud à une statue, il ne jette pas le Coran, etc. À moins qu'il ne fasse cela, bien sûr. Sinon, tant qu'il a dit shahadu la ilaha illallah, c'était la prière, c'est quelqu'un de musulman je lui donne ma fille pour le mariage, il hérite, je le lave s'il meurt et je fais la prière sur lui, subhanahu wa ta'ala, parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait s'il est véridique ou si c'est un menteur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait cela, ce n'est pas de mon ressort. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, lam nu'mar bi shaqqil qulub. Allah azza wa jalla ne nous a pas ordonné de leur ouvrir les cœurs pour avoir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas ordonné de leur ouvrir yani leur cœur pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Non, moi je regarde sur l'apparent. Et l'intérieur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et du ressort de Allah subhanahu wa ta'ala et pas de mon ressort, bi'idnillah azza wa jal. Tadda inshallah, prochaine question. Est-ce que le shaitan peut nous faire oublier de dire bismillah et le dua avant de manger? Est-ce possible si l'on est atteint de sihr? Bien sûr que le shaitan nous fait oublier. Il veut même nous faire oublier même la salat, que c'est l'heure de la salat. Ou bien même si tu sais que c'est l'heure de la salat, il te fait oublier ce que tu dois dire. Hein? Il te mélange tout dans la salat jusqu'à ce que tu ne saches plus ce que tu es en train de dire et que tu ne saches plus dans quelle raka'a tu as été. Donc, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit, en parlant de l'Khadr, l'Khadr, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salam, c'est un prophète, il a dit, وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ أَنْ أَذْكُرَهُ. Il a dit, c'est le shaitan qui m'a fait oublier. Donc le shaitan fait oublier. Il nous fait oublier toutes les choses qui nous sont utiles. Et au contraire, il te fait souvenir des choses qui ne sont pas utiles. Surtout dans la salat. Surtout dans la salat. Il te fait rappeler des choses dont tu n'as pas besoin et des choses qui sont yani, qui au contraire, si tu te souviens d'elles, ces choses, elles vont te mélanger la salade. Alors lui, il vient là-bas, il te fait souvenir des choses yani, qui font que c'est pas le moment de s'en souvenir. Est-ce possible si on est atteint de sihr? Bien sûr, si on est atteint de sihr, ça dépend de quel sihr. Ça dépend de quel sihr. Il y a le sihr pour aimer. Il y a le sihr pour détester. Il y a le sihr pour moule. Sihr de devenir fainéant. On ne veut plus travailler, on se laisse aller là, yani, on ne met plus ses souliers. Yani, sihr pour moule là. Il y a beaucoup de sortes de sihr. Il y a beaucoup de sortes de sihr. Donc ça dépend aussi du le sihr pour détester l'IA engine. Naam. A'udhu billah. Là, il est sable. Naam, le sihr pour détester l'IA engine. Naam. Là, on le fait surtout pour séparer entre les couples. On les fait aussi pour que la femme, par exemple, ne se marie pas. Hein, quand on lui envoie un djinn pareil, qu'est-ce qu'il fait? Quand le prétendant vient, il se met à sa place, lui, et il devient yani, comme si c'était un monstre. La femme va voir que ce n'est pas un prétendant celui-là, mais c'est un monstre celui-là, dit A'udhu Billah. Je me marie avec tout le monde sauf avec celui-là. Ensuite, le deuxième prétendant, il lui fait la même chose. Le troisième, quatrième, jusqu'à ce qu'elle ne se marie pas. Maintenant, on dit, subhanallah, oh, moi, il ne lui manque rien. Là, tout, il travaille, il est mashallah, il est pieux, il est... Mais elle le voit dans une image. Pourquoi? C'est à cause du shaitan qui est payé, on ne lui donne pas de l'argent. Hein. On lui égorge des bœufs, etc. On ne dit pas bismillah. Et ça, son argent. Donc, il est payé. Il travaille, il essaie de noircir l'image pour que tu vois cette personne comme un monstre. Si vous voyez ce qu'il y a des chayatines, c'est pourquoi le sorcier doit être tué. C'est pourquoi le sorcier doit être tué. Parce que le mal qu'il fait, c'est beaucoup plus que le mal de l'alcool, de la zina et de la drogue. Le mal du sorcier est beaucoup plus dangereux que le mal de la zina et de la drogue et de l'alcool. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله سبحانه وتعالى العافية اللهم اكفينا شرهم بما شئت يا رب العالمين تفضل إن شاء الله prochain سؤال السلام عليكم يا شيخ je voudrais savoir quand vous avez dit que le shaitan était présent pendant les rapports entre les époux et qu'il faisait ce que les époux font voulez-vous dire avec son épouse à lui ou avec l'épouse du couple? Naam, barakallahu fik. Il fait avec l'épouse du couple. Naam, il fait avec l'homme. Il y a un homme qui fait la chose, le rapport avec sa femme. Lui, il se colle à l'homme qui n'a pas dit bismillah pour faire avec lui la même chose sur la même femme. Donc ils seront deux à faire avec une seule femme. Le vrai, son époux, et le shaitan ou l'ayadu billah. C'est à peu près comme il a fait quand il est venu avec la femme. Il s'est collé à elle pour manger avec elle. Quand elle a jeté sa main, il jette sa main collée à sa main. Il mange avec elle. Ensuite, avec l'homme, il a jeté sa main collée à sa main, il a mangé avec lui. Ici, la même chose. Il jette son membre. Et il le colle avec le membre de l'homme. Et ils font les deux la même chose. L'ayyadu billah. Naam. Prochain sou'al, tfadlal. Pour ça, entre parenthèses, une femme aussi devrait quoi? Devrait faire souvenir son homme, son époux, pardon. Car si la femme, c'est pas elle qui dit le doua, c'est l'époux qui le dit, mais au moins elle lui rappelle, lui a dit tu as dit bismillah, elle le fait rappeler du doua. Et on a demandé à Cheikh Al-Albani, quand est-ce qu'il dit ce doua? Quand il fait le rapport ou là, quand il commence, par exemple, à jouer avec la femme, il a dit quand il veut jouir de sa femme, il dit le doua. Ça veut dire dès le début, c'est pas la peine jusqu'à ce qu'il arrive au rapport. Même dès le début, il peut le faire parce que pour qu'il ne joue pas l'autre aussi avec sa femme. Naam. Assalamu alaikum, salam rahmatullah. Quand il nous reste trop de nourriture. Je suis en train de vous parler, je pense à Akhil Albani qui est avec nous, c'est un ami ici, la mosquée qui n'habite pas loin de nous. Yani, il n'y a pas de saute, l'Albanie écrit, il n'y a pas de saute. Est-ce que c'est vrai? Ou la... Non. Je parlais de l'Albanie, je disais que Miskin, il ne comprend pas un mot en français. Non, il ne comprend pas un mot en français. Il est là dans la salle, assis avec nous. Hatta la géante, je ne sais pas ce que je dis. Il ne comprend pas un mot en français. La hawla wa la quwata, illa billah al-ali al-azim. Tayyib. Quand il nous reste trop de nourriture, c'est une moitié arabe. Quand il nous reste trop de nourriture. Est-ce que... Non. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire bugger. Je ne sais pas ce que ça veut dire bugger. Il y a une mouchkila. Je cherche la question. Où est-ce qu'elle est la question? Quand il nous reste trop de nourriture, quand on est sûr qu'on ne va pas la manger, car vraiment on n'en veut plus, et qu'on la jette à la poubelle, sommes-nous excusés dans ce cas-là? En principe, on ne doit faire cuire que ce qu'on mange. On ne doit faire cuire que ce qu'on mange. Maintenant, si on a fait en plus, on essaie de faire une des deux choses. Ou bien, on la laisse pour demain, on laisse dans le frigo. Ou bien, on essaie de la donner au voisin, par exemple. On essaie de la donner au voisin, par exemple. Maintenant, si c'est une chose que Yanni, ça ne peut pas rester, il y a des choses qui ne peuvent pas rester jusqu'au lendemain, cela peut être, Inch'Allah, là, on est excusé. Ce sont des choses qui ne restent pas. Yanni, on doit jeter. Et en principe, quand quelqu'un se prépare le manger, il doit préparer la chose qu'il mange, c'est tout. Maintenant, si ça reste en plus, il doit la laisser, Inch'Allah Ta'ala, dans le frigo, ou bien il doit la donner au voisin. Mais, je ne crois pas qu'il y ait un pays dans le monde où on jette les choses plus que le Koweït. Je ne crois pas qu'il y ait un pays où on jette de la viande et du veau et du bœuf et du mouton comme le Koweït. Vous savez qu'ici, presque tous les soirs, je crois pas que ce soit presque tous les soirs, ils font des invitations comme ça et ils font ce qu'on appelle le mishoui, ensuite ils restent comme ça, on mange un peu, ils restent comme ça et il le jette. Des fois, il le donne quand il trouve les Bengalis, les Hindous, les Kada, il leur donne. Des fois, il n'y a pas. Yani, il jette beaucoup de choses. La hawla wa la quwwata illa billah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Tadlal, inshallah. Prochain sou'al, tadlal. Comment se fait-il que le shaitan soit présent partout avec tout le monde, notamment le shaitan de la salat? Je n'ai pas compris. Chacun a son shaitan. Chacun a son shaitan. Hein? Chacun a ce que l'Azul a dit, le qarin. Le qarin, yani, qui est collé à toi et qui est toujours avec toi. Naam. Wa qala qarinuhu, Rabbana ma adraytuhu, walakin kana fi dalalin ba'id. Ou fi dalalin mubin. جزاك الله خير الألباني الدرس القادم إن شاء الله على وجهه على التطير إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله احتاج إلى هذه المعلومات. donc le شيطان هذا même le prophète صلى الله عليه وسلم en avait un car tout le monde en a un collé à lui, mais le prophète صلى الله عليه وسلم a eu la faveur d'avoir fait des doux à Allah سبحانه وتعالى de faire convertir ce shaitan en islam. Et ce shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a fait convertir, il est devenu musulman. Et je crois que c'est le seul shaitan au monde qui va aller au paradis. Parce qu'après être devenu musulman, bien sûr, il n'est plus un shaitan. Car le shaitan, c'est quelqu'un qui est kafir. C'est un djinn. Car tout shaitan est un djinn. Mais pas tout djinn est un shaitan. Chaque shaitan est un djinn. Et pas tout djinn est un shaitan. Car le shaitan, c'est le djinn kafir. Et quand il est musulman, on ne dit pas de lui shaitan, on dit c'est un djinn, c'est tout. Naam. Est-ce vrai que ce shaitan fait da'wa à Médine? Jamais. Jamais. Jamais il n'y a eu un dalil ou là il y a un dalil qui dit que ce shaitan, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est devenu musulman, qui fait la da'wa à Médine. S'il fait la da'wa, donc je ne vois pas où il est assis, celui-là où il fait la da'wa, où il fait, dans quelle mosquée il est assis pour qu'on aille demander le haïn. On n'a jamais entendu qu'il y a un shaitan qui fait la da'wa. Il fait la da'wa pour les djinns. On n'a jamais entendu ça. Il n'y a pas un hadith qui dit cela bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Faddan inshallah, prochain sou'al. J'ai lu qu'il fallait terminer son assiette car on ne sait pas où la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala s'applique-t-il, uniquement à l'assiette ou uniquement aux doigts ou aux deux. Naam. Quand on termine l'assiette, on commence à sucer, ce que j'ai dit tout à l'heure, les doigts. Naam. Quand on termine, on met dans notre assiette, on met seulement ce qu'on mange. On ne met pas beaucoup, ensuite on dit je ne peux pas manger cela. On ne met dans notre assiette que ce qu'on peut manger. Ensuite, quand on termine, on essuie bien l'assiette et ensuite on se suce les doigts car on ne sait jamais où est la baraka. Naam. On ne sait jamais où est la baraka. Mais elle est pour les deux, car le hadith a parlé de l'assiette qu'il ne fallait pas manger au milieu pour laisser la baraka grandir, et il a parlé des doigts quand on termine, quand on les suçait ou bien on les donnait. Cheikh Al-Albani a dit on les donne aux enfants ou à sa femme. Naam. Fadal, inshallah, prochaine question. Naam. Les frères disent par souci de temps pour le cheikh on prend plus de questions, inshallah ta'ala, soyez compréhensifs. طيب ان شاء الله تعالى les frères qui ont des questions ils attendent inchallah chouya quand on termine ces questions inchallah s'il y a du temps ils reposent leurs questions. Existe-t-il un hadith sahih qui parle de frères un qui fait des ibadat et l'autre qui travaille, et le prophète alayhi salatu wasalam aurait dit que grâce au frère qui fait des ibadat que le deuxième travaille, qu'Allah vous préserve. Sais-tu pourquoi il y a une brique sur mon nom dans la ronde? Non. Je reviens au hadith. Naam, il y a un hadith sahih. L'Albani, Allah yarhamu, a dit hadith sahih que deux frères, l'un travaillait et l'autre demandait le ilm et la science. Ensuite, celui qui travaillait s'est plaint. Il a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, comment se fait-il? Moi, je vais travailler, je sue, etc. Et celui-là, mon frère, assis dans la mosquée, ou je ne sais pas où, en train d'apprendre le Coran et demander le ilm. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, Asa, annaka turzaq به عساك أو عسى أنك ترزق به. Il lui a dit, ne sais-tu pas que peut-être, يعني, tout le rizq qui vient, que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, c'est à cause de ton frère qui est en train de demander le ilm. C'est à cause de ton frère qui est en train de demander le ilm. Et à cause de sa baraka, à cause de ses doua, à cause de demander le ilm, c'est pas quelque chose de futile. Mais ensuite, ce n'est pas quelque chose de donné à tout le monde. C'est pas tout le monde que Allah subhanahu wa ta'ala va aider pour qu'il demande le ilm. Le ilm, pour certains gens, ça n'a aucune importance. Pour lui, s'il assiste à la prière du vendredi, c'est déjà quelque chose. S'il assiste à un dars une fois par semaine, c'est trop. C'est trop. Je dis, c'est beaucoup. Mais le ilm, le vrai, c'est le ilm qui te fait suer et qui te fait mincir, qui te rend mince et qui te fait suer et qui te donne des maux de tête jusqu'à ce que tu te sentes malade à cause du ilm, pour avoir le vrai ilm. Car le ilm, subhanahu wa ta'ala, ne donne pas à quelqu'un qui dort jusqu'à du matin jusqu'à la prière du dhuhr. Ensuite, il est en train, dans la ville, il est en train de se promener. Ensuite, il vient à la dernière minute, il te dit, attends, je vais ouvrir un livre, je vais lire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr qu'il ne va pas lui donner de ilm. Mais quand quelqu'un demande sincèrement et il souffre à cause de ce ilm, là, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui ouvrir un chemin vers le paradis, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, je ne voudrais pas vous décourager. Je vous dirais que chaque dars, inshallah ta'ala, que vous assistez dans une mosquée ou là, sur internet, ou là vous écoutez une cassette ou là, Allah subhanahu wa ta'ala envoie les anges qui vous couvrent parce que vous êtes fait d'écrire là. Azza wa jal. Tafaddal inshallah akhi karim, su'al qadim. Abu Bilal, est-ce que le frère ou là, la sœur ou là est là pour la réponse de la question de mahram pas mahram converti? Est-ce que le frère ou la sœur est là pour que je réponde ou là après? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le fait de faire une ruqya, il garde l'anonymat, bien sûr qu'il le garde. Le fait de faire une ruqya n'est pas une forme de baisse de foi. Est-ce que le raqi a le droit de toucher la tête de la femme pour lui faire la ruqya? Barakallahu fi. La ruqya, on va vers la ruqya après que on ait utilisé des issues. Par exemple, j'ai fait des douas, j'ai fait ceci et je n'ai pas eu de natija. On va vers la ruqya, c'est possible. Naam, c'est possible, car celui qui va te faire la ruqya, il est inshallah ta'ala, tu vas faire une ruqya shar'iyya. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, wa qila hal min raq, hal min raq, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la ruqya? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya lui-même, il l'a faite, et Aïcha lui a fait la ruqya avec sa main, l'essuyé avec sa main, sallallahu alayhi wa sallam, et Jibril lui a fait aussi la ruqya, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est interdit, c'est de faire la ruqya qui n'est pas sharia. C'est de faire la ruqya qui n'est pas sharia, ou bien de demander la ruqya sans raison. Sans raison, il cherche la ruqya. Ça, c'est déconseillé. Si des fois la ruqya peut être même obligatoire. S'il sait que khlas, le djinn s'est manifesté, etc., il voit que il est en danger, celui-là, il doit demander la ruqya et les gens doivent lui faire la ruqya aussi. Le raqi a-t-il le droit de toucher la tête de la femme pour lui faire la ruqya? Il n'a pas le droit. Le raqi n'a pas le droit de toucher la femme, mais il s'assoit en face d'elle avec son mahram. Elle est avec son mahram et il s'assoit en face d'elle et il fait la ruqya. Quand il veut toucher quelque chose dans son ventre ou là son dos ou là sa tête ou là, il demande une règle par exemple. Il demande une règle. Avec la règle, il touche son ventre, il touche son cou, il touche où il veut avec la règle, pas avec ses mains. Naam. Faddam, inshallah, prochain soual. Une sœur convertie veut se marier avec un frère, mais elle n'a pas de mahram muslim. Et de plus, elle est mineure et son père ne veut pas qu'elle se marie et qu'elle soit musulmane. Quel conseil lui donnez-vous au frère? نعم استغفر الله وتوب إليه. Quand, نعم posez une seule question, بارك الله فيكم, posez une seule question à la fois. Quand une sœur se convertit et devient musulmane, il faudrait que vous sachiez deux choses. La première des choses, si cette sœur est mariée, une femme mariée, disons une chrétienne, mariée à un chrétien, vient de se convertir. Au moment, à la minute où elle s'est convertie, à la minute où elle est rentrée en islam, elle commence quoi? Elle commence la période de viduité. Elle doit commencer sa période de viduité. Et à la minute où elle est rentrée en islam, il n'est plus permis à son mari de l'approcher. Son mari, qui était, ça fait une minute, son mari, n'est plus devenu son mari. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah. Et dès que la période de viduité se termine, pendant la période de viduité, c'est en même temps, pour voir si elle est hamel, si elle est enceinte ou non, en même temps, c'est un délai pour son mari. Si son mari veut la suivre, lui aussi, il se convertit en islam, c'est son mari. Si maintenant sa période de viduité s'est terminée et il ne s'est pas converti en islam, elle est séparée de lui pour gagner de bon. Elle prend ses valises et elle va chez ses parents ou laisser sa maison à elle. Elle lui dit, Smahli, tu es un étranger, on ne se connaît plus, tu vas vivre, inshallah ta'ala, chez ton père et chez ta mère. Elle l'envoie vivre lui chez ses parents. Naam. Maintenant, si après que la période de viduité soit terminée, elle a terminé sa période de viduité et il n'est pas encore devenu musulman, si elle ne s'est pas mariée, elle est restée une année, deux années, trois années, il n'y a pas de prétendant ou là elle n'a pas voulu se marier. Quatre années, cinq années, ensuite son mari est devenu musulman, le premier. Il peut, c'est son mari, sans être obligé de faire un acte de mariage. Regardez, Fadlullah subhanahu wa ta'ala, naam. Le fait seulement que son premier mari devienne musulman, si elle ne s'était pas mariée, il devient son mari automatiquement. Sauf si elle n'accepte pas, bien sûr. Sauf si elle dit, maintenant, khalas, je veux plus de lui. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu à l'Asi le mari de Zaynab. Vous connaissez Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est rentrée en islam, son mari n'est pas rentré en islam, donc il l'a séparée d'elle et il l'a rendue. Ensuite lui il est devenu musulman, il l'a rendue à sa femme, c'est-à-dire à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a rendu son mari 18 ans après. Ibn al-Qayyim a dit 18 ans après. D'autres disent 3 ou 4 ans après. Ibn al-Qayyim a dit c'était 18 ans après. Naam, 18 ans après, il lui a rendu son mari sans faire un nouvel acte de mariage. Voilà la règle en ce qui concerne quand une femme se convertit, devient musulmane si elle était mariée. Maintenant, quand elle se convertit, elle n'est pas mariée, ses parents qui sont des kuffars n'auront plus droit sur elle. C'est-à-dire qu'elle doit leur obéir, mais pas dans des choses comme le mariage. Ils n'ont plus la tutelle sur elle. Car avoir la tutelle sur quelqu'un, c'est il faut que tu sois de même religion que lui. Il faut que tu sois égaux ou bien que tu sois supérieur à lui. Mais si tu es inférieur, tu ne peux pas avoir la tutelle sur quelqu'un. Comment quelqu'un d'inférieur me commande. C'est pour ça qu'un esclave ne peut pas se marier avec sa maîtresse. Non, il ne peut pas se marier avec sa maîtresse. Lui, il est esclave et elle est libre. Il ne peut pas. Ça va donner le contraire. Donc, un kafir n'a pas le même niveau qu'un croyant. Donc, il ne peut pas avoir la tutelle sur un croyant. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Comme il a dit dans le Coran, Allah Azza wa Jalla. Il a dit jamais le kafir ne peut avoir la tutelle sur un croyant. C'est pour ça que la sœur, quand elle devient de la sœur a dit qu'il s'est converti, son père et sa mère, elle leur obéit dans les questions de vie, ce bas monde, elle leur achète l'or, il l'envoie le racheter, etc. Elle fait tout, elle leur obéit, mais pas, elle n'obéit pas dans le haram et ils n'ont pas la tutelle. Son père ne peut pas la marier, ni ne peut être contre le mari. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la tutelle. Donc elle doit aller dans un centre islamique. Centre islamique, l'Albani dit Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, parce qu'il ne comprend pas ce qu'on dit. Naam, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. On a fait la haït. Je disais que elle va dans un centre islamique, c'est le président du centre qui quoi ? Qui peut la marier, ou bien le président, yani celui qui s'occupe des immigrés là-bas. Il n'y a pas d'imam dans la sunna où elle habite. Il n'y a pas d'imam dans la sunna où elle habite. Elle cherche l'endroit où il y a celui qui représente les musulmans, pas seulement l'imam. L'imam ne le marie pas jusqu'à ce que je ne trouve pas celui qui représente les musulmans. Ensuite, je descends vers l'imam. Ensuite, quand il n'y a pas d'imam, un musulman peut le marier. Un musulman peut le marier. Mais je dois d'abord commencer par ceux qui travaillent dans l'État. Ceux qui représentent les musulmans d'une façon officielle. Sultanu waliyu man la waliya lahu. Donc il faut le sultan, ça veut dire celui qui gouverne, qui est officiel. Et celui qui représente les musulmans là, il est quelque chose d'officiel. Il se trouve dans les centres islamiques, il se trouve peut-être dans les ambassades et tout. Moi je n'ai pas vécu en Europe, je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y a quelqu'un qui consulat, Barakallahu fi consulat, il y a quelqu'un qui représente les musulmans, la Boud. Si tu vas au consulat ou là tu lui dis je veux me marier, il va te montrer comment, il te dit chez nous, on envoie aller voir le imam X, c'est lui qui marie par exemple. Naam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Tafaddal inshallah, prochain soir. Naam. Ensuite, quand il dit qu'elle est mineure, je ne sais pas en France ou là, en Europe, je ne sais pas quand est-ce que la femme devient majeure, si c'est à 18 ans ou là, à 21 ans, mais ça n'a pas d'importance. En ce qui concerne mineure ou la majeure, ça n'a pas d'importance. Une personne commet des péchés, il sait qu'elle en commet un, mais elle sait aussi qu'elle va recommencer ce même péché, mais elle regrette. Que doit-elle faire ? Doit-elle attendre de ne plus commettre ce péché pour être tauba ? Ou doit-elle faire tauba à chaque fois qu'elle commet ce péché ? Naam. C'est un soual, masha'Allah. A répondu Cheikh l'Islam. Naam. Chaque péché, tu lui fais sa tauba. Chaque péché est isolé du deuxième péché. Naam. Quand quelqu'un fait un péché, pour ce péché, il faut faire la tauba. Il ne dit pas, comme disent les Khawarij, que yani, il faudrait faire de tous les péchés la tauba ou bien ce n'est pas accepté. Yani, nous, on dit que chaque péché, tu lui fais sa tauba. Naam, chaque péché, tu lui fais sa tauba. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ مُتَّقِينَ yani, les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala la yataqabbal hatta takuna yani taqiyyan fi kulli shay. Wal murji'a qalat hatta tattaqiy ash-shirk. Wa sunna wal jama'a qalu kull dhanb bi tawbatihi. Kull dhanb tatubu minhu wa kullu fi'lin kullu shay'in kullu 'ibada taf'aluha ma'a at-taqwa bi idhnillah fa innaha maqbula. Li'anna al-khawarij ishtaratu an takuna fi jami'a. Wa sunna qalu kull عبادة يفعلها الإنسان مع التقوى فإنها بإذن سبحانه وتعالى مقبولة. تفضل إن شاء الله. prochain سؤال. كالله vous accorde une longue vie إن شاء الله afin que la communauté bénéficie au maximum de votre science. Ma question, quelle est la position d'Islam sur le fait de garder un bienfait et de l'annoncer au dernier moment à ses proches, exemple un mariage, l'instance d'enfant, un voyage? Naam. Premièrement, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne toi aussi une longue vie dans sa piété, dans son adoration. Car les ulama ont dit, quand on fait un doua, on ne demande pas à Allah d'allonger sa vie, mais on lui demande d'allonger sa vie dans ta'atillah et dans sa piété, car quelqu'un peut vivre beaucoup, mais peut vivre dans le shirk et dans la khat. Jazakallahu khair pour ta bonne intention, et en même temps je profite pour t'apprendre cette chose. Jazakallahu khair pour ta bonne intention. Moi je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'allonge ta vie dans son obéissance bi'idhnillah azza wa jal. Quelle est la position de l'islam sur le fait de garder un bienfait de la mention de l'aimant à ses proches? Naam. Ça dépend, la réponse, ça dépend premièrement du projet, et ça dépend ça dépend du lien de parenté. Naam. Il y a des choses qu'on cache à quelqu'un et on ne cache pas à un autre. Et il y a des choses qu'on cache à tout le monde et qu'on dit à d'autres aussi. Non, pourquoi? Parce que ça dépend aussi de la chose et ça dépend de la personne de laquelle on a caché. Des fois on sait que cette personne parle beaucoup. Des fois on sait que cette personne est une envieuse. Yahsad. Des fois on sait que cette personne a un mauvais œil. Des fois on sent ces choses. Ou là on les connaît par expérience. Mais il y a des personnes que par exemple on ne doit pas cacher parce que ça va leur faire mal et ça va yani rendre les relations avec ces personnes, elle va perturber les relations, par exemple comme la mère et le père. Cela bien sûr c'est un peu difficile quand on leur ne dit pas les choses, mais il faut avoir yani assez de sagesse inshallah ta'ala pour que tu saches choisir à qui tu dis, à qui tu dis pas. Tu connais les gens qui lorsqu'ils entendent ça leur fait mal que tu leur aies caché des choses. Il y a des gens qui on peut yani leur cacher jusqu'à la dernière minute, ça leur dit rien. Et n'oublie pas toi aussi que beaucoup de gens cachent de nous des choses. Il y a des gens qui jamais ils te disent ce qu'ils vont faire. Et dès que toi tu caches une chose et ils l'apprennent, ils te disent par là, tu as fait cette chose, tu ne l'as pas dite. Non, celui-là, il faut que tu lui rendes la monnaie. Il faut que tu lui dises, regarde-toi ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu as fait, et tu ne l'as jamais dit. Et tu es toujours avec moi, on s'est rencontrés 1000 fois. Je ne vois pas pourquoi, yani, ça t'énerve que je t'ai pas dit, et alors tu te permets toi de ne pas dire. Non, comme tu fais toi, les gens aussi font. Pourquoi toi tu te permets de cacher, moi je cache pas. Non. Non, pourquoi toi? Plusieurs fois je n'ai pas entendu. Tu as marié X, je n'ai jamais entendu. Ton fils a fait ceci, tu as fait une fête, je n'ai jamais entendu. Tu as acheté ceci, je n'ai jamais entendu. Pourquoi moi tu veux que je te raconte? Non, il faut yani apprendre aux gens qu'ils s'éduquent. Il faut apprendre aux gens qu'ils s'éduquent bien la subhanahu wa ta'ala. Et comme je t'ai dit, il faut avoir assez de sagesse inshallah ta'ala pour yani garder de bons liens avec les gens, inshallah ta'ala. فضل إن شاء الله prochain سؤال. Il est vrai que je voudrais avoir une nasiha de la part du cheikh concernant mes révisions dans l'apprentissage du Coran au sol salasa. En fait je me suis marié, j'ai eu des enfants, inshallah. Il est vrai que j'ai perdu prise et je n'arrive pas à me ressaisir concernant l'apprentissage et je ne sais plus par où commencer. Tout me paraît si lent, même si je me remets une semaine je relâche prise, je n'arrive plus à être constante, ne serait-ce que dans mes salats ou jeûne nefila. J'en faisais. Naam, je voudrais dire surtout aux sœurs, aux frères et sœurs, et plus particulièrement aux sœurs, que si vous ne profitez pas avant d'être marié, après le mariage, je ne veux pas dire que c'est trop tard, mais il faut que je vous dise que ce n'est pas facile. Naam. Ce n'est pas facile d'avoir des bébés, de les laver, de les soigner, de leur apprendre, de leur faire manger, de leur laver le vêtement, de. Ce n'est pas possible de faire tout cela, alors, et en même temps, yani, demander le ilm et demander, yani, beaucoup de choses. C'est pour ça que, quand la femme se marie, il y a des choses qui, Allah, elle ne savait pas, et voilà des choses nouvelles qui paraissent. Des choses nouvelles, c'est ce que je viens de dire. Hein? L'éducation des enfants, la grossesse, vous savez, hein? Les femmes connaissent, hein? Les douleurs, les vomissements, et les maux de tête, et les grandes machiavilles. Donc, celui qui veut profiter du haine, ils profitent aussi maintenant, yani, avant le mariage. Même pour les frères, ce n'est pas facile après le mariage. Illa an yasha Allah. Celui qui est jeune, masha'Allah, il a 20 ans, il est libre. Yani, il ne demande pas le haïn. Ensuite, quand il aura des enfants, il aura agda, il va dire, je vais demander maintenant le haïn. Alors qu'il a laissé passer des occasions en or. C'est pour ça, je dis à ma soeur de, comment dit Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullah mastata'tum. Tu essaies, inshallah ta'ala, au maximum de garder le tampon de Talib Ta'in, yani de lire un peu de Coran, d'essayer de lire un peu, de réviser, d'être en groupe si tu peux. Il n'y a pas comme le groupe, il n'y a pas comme se rencontrer, faire des halaqas et écouter, et ça aide beaucoup. Quand quelqu'un est seul, commence à faiblir, ensuite il va se dire, de toute façon, le ilm hadith, c'est pas obligatoire. Quand je suis marié, c'est pas obligatoire, surtout pour une femme, comme ça le shaitan va dire, c'est pas obligatoire. Allah râle, je peux pas, Allah râle, ça s'arrête là. Mais quand on est en groupe, on a toujours quelqu'un qui nous pousse. On se sent toujours, yani, on va se dire, je suis devenu très nerveux, je n'arrive pas à me contrôler, n'am. C'est normal. Après le mariage, les enfants, les bébés, c'est normal, n'am. C'est normal. Inch'Allah ta'ala, tu vas essayer, Inch'Allah ta'ala, de te programmer. Non, parce que après certaines années de mariage, yani, on va, j'ai la région de mon âme. C'est au début, parce que tout a changé. On va, inshallah ta'ala, on va revenir, yani, les eaux vont revenir à leur état normal. Al-Loul, quand on se marie, tout change. Après, inshallah ta'ala, on commence à se faire un programme, à se contrôler. On commence à se contrôler. Parce qu'on sait que là, on a compris maintenant, voilà comment c'est les enfants, voilà le temps que prennent les enfants, voilà le temps que prend l'éducation. Et maintenant, c'est nouveau. Yani, tout est chamboulé. Mais après, Inch'Allah Ta'ala, ça va venir. Il faut seulement tenir, car si on ne tient pas, on jette tout, bah, on devient là, on n'est plus talibain. On n'a plus de relation avec le haïn. Non. C'est pour ça que je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il t'aide. Qui t'ouvre ton cœur, qu'il raffermisse ton cœur et qu'il t'ajoute du in, qu'il fasse de sorte que le in devienne pour toi la meilleure chose, qu'il fasse pencher ton cœur, inshallah, vers le in et vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Non, tafadhal inshallah. Prochain sou'al. On a tous changé, pas seulement à de la sœur, tous on sent qu'on a faibli, on sent que Inch'Allah ta'ala, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme c'est comme l'épée, un épée de blé. Quand il y a un vent, il le frappe, l'épée se courbe. Ensuite le vent passe, il se redresse. C'est comme ça, Inch'Allah. C'est une petite fitna, elle va passer, Inch'Allah ta'ala, et tu vas te redresser, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je connais un imam qui fait des sihr aux gens et des portes. Bonheur. Pouvons-nous prier derrière celui-ci? Quand quelqu'un trouve un imam mieux que celui-là, il ne fait pas la prière derrière lui. Quand quelqu'un trouve un imam mieux que celui-là, il ne peut pas faire la prière derrière lui. Il va derrière quelqu'un qui est mieux que celui-là. Quand il ne trouve pas, il ne trouve que celui-là, il fait la prière derrière lui tant qu'il n'est pas devenu kafir. Quand l'imam est devenu kafir, on ne fait plus la prière derrière lui. Donc il n'est pas kafir. Et il n'y a pas un deuxième, on fait derrière lui. Sauf s'il y a un deuxième qui n'est pas très loin, on doit aller chez le deuxième, bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Tafadhal inshallah. Salamu alaikum. On n'a pas le droit de demander ruqya. Donc comment on fait si on est malade et qu'on n'a pas. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, ça, comment on fait Ruqya. Comment on fait Ruqya, puisque vous dites que c'est interdit. J'ai répondu que ce n'était pas interdit. Est-ce que vous m'avez entendu? Non. D'accord. Alors je réponds, je dis Bin Azzawajal. Celui qui m'a posé la question, peut-être qu'il ne m'a pas compris. J'ai dit que la Ruqya, c'était possible de la faire. Celle qui n'est pas possible de la faire, c'est quoi? C'est de faire la ruqya chez un charlatan. Si on fait la ruqya chez un charlatan, ce n'est pas possible. Et si on l'a fait chez quelqu'un qui est sunni par exemple, celui-là, on peut faire la ruqya chez lui, surtout après avoir fait les doua, etc. Et que yani, y a pas eu de résultat. Là, on va faire la ruqya, car une femme est venue et a demandé la ruqya au, à qui ? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre femme aussi, je me rappelle, est venue aussi et a demandé yani, qu'il fasse la ruqya à son fils. Il lui a ouvert sa bouche, la bouche du bébé. Il lui a dit Ana Abdullah, Ana Abdullah, Ukhruj Adullah, Ana Abdullah. Et le djinn est sorti bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est permis, mais ce qui n'est pas permis, c'est d'aller chez un charlatan, là de quelqu'un, un sorcier ou là, il nous fait la ruqya. والله سبحانه وتعالى أعلم تفضل إن شاء الله للسؤال القادم نعم posez des questions au sujet نعم الألباني لأن الأخوات ممكن لهن أسئلة أكثر من الإخوة السلام عليكم que répondre aux personnes qui nous disent mais il faut forcer le destin par exemple pour le mariage ils souhaitent se marier à son âge et ce genre de choses نعم le mot forcer le destin on ne peut pas la dire, on ne doit pas la dire et ça peut rentrer dans le péché. Naam, le destin, personne ne peut le forcer. Il ne se passe que ce que Allah Azza wa Jalla a voulu et ce que Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu, jamais il ne peut avoir lieu. La yakun, comme disent un sunnah ou jama'a, la yakun illa ma sha Allah, ma sha Allah kan wa ma lam yasha la yakun. Il est impossible que quelqu'un puisse forcer le destin, mais il est possible que quelqu'un rende le destin, yani qu'il fasse des douas. Naam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit des fois par exemple le malheur est en train de descendre du ciel et toi tu fais un doua, il a dit le doua se rencontre avec le malheur au milieu du ciel, ils se rencontrent et ils sont là en train de, donc on dit c'est pas se bagarrer, ou là en train de, comme ça, yata'arikan ila yom al-qiyama, yata'arijan ila yom al-qiyama. Ils vont rester comme ça, en train de se faire le duel, jusqu'au jour de la résurrection. Donc, le malheur, ou là, le destin, allait venir, et le doua est monté. Et ils se sont rencontrés, et le destin a été empêché de descendre. Avec quoi? Avec le doua. Donc avec le doigt tu peux rendre. Pourquoi? Parce que Allah savait que tu allais faire un doigt qui allait rendre ce destin, qui allait rendre cette chose, et elle ne sera pas faite. La chose qui était prédestinée ne sera pas faite parce que Allah savait que tu allais faire un doigt qui allait la rendre. Donc c'est pour ça que nous on doit faire des doigts, car on ne sait pas si Allah nous a écrit que on va rendre le destin avec le doigt ou là il ne nous a pas écrit. Donc on fait le doigt. Peut-être que notre doigt va rendre la chose pour qu'elle n'arrive pas. Mais dire en force le destin, il ne faut pas dire cette phrase, Inch'Allah. Fadda, Inch'Allah, prochain sou'a. Mais bien sûr, on peut dire aussi, yani, au lieu de dire en force le destin, on dit, yani, produit esbeb. Yani, bouge un peu, bouge. Essaye ceci, essaye cela, là, pour se marier. Non, ça c'est possible. Mais on ne dit pas on force le destin, on dit allez, essaye, fais ceci, fais cela pour que les gens te voient, pour se marier. Ça c'est possible. Salam alaikum, est-il possible pour une personne très pieuse de voler dans le ciel ou de marcher sur l'eau? Est-il possible pour une personne très pieuse de voler dans le ciel ou de marcher sur l'eau? Naam. Voler dans le ciel ou marcher sur l'eau est possible. Est possible pour une personne très pieuse. Mais le problème, où est-il? Le problème, c'est que Sunnah al-Jama'a on dit même si tu vois une personne voler dans le ciel ou marcher dans l'eau, ne dis jamais c'est à cause de sa piété, jusqu'à ce que tu vois cette personne, quel est son comportement envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car pourquoi? Car celui qui vole ou la marche sur l'eau, ou bien c'est une karama, c'est Allah qui a voulu faire de lui ça parce qu'il est pieux, ou bien c'est pas Allah, c'est Shaitan qui l'a élevé vers le ciel, ou là qui qui le prend sur la main et nous fait voir qu'il est en train de marcher sur l'eau. Donc moi, quand je vois quelqu'un faire une chose, yani, je vois faire une chose surnaturelle, avant que je ne dise, comme disent les ignorants, yani, mashallah, Allahu Akbar, et je vais lui faire un soujoud, avant que je fasse cela, je me dis, mais attends, voir d'abord celui-là. Est-ce que c'est parce qu'il est pieux ou là est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui adore le shaitan? Est-ce celui-là est-il de Awliya al-Rahman ou bien est-il de Awliya al-Shaitan? Non, voilà la vraie, yani, voilà la différence. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah raconte, alayhi rahmatullah, dans Fatawa al-Kubar, dans Mujmu' al-Fatawa, il a dit, il a dit, il y avait quelqu'un qui, à chaque fois que le Hajj allait arriver, il montait sur une montagne. Et tous les gens en bas en train de le voir, il le faisait chaque année. Et quiconque ne croyait pas, on lui disait, viens avant le Hajj et tu vas voir avec tes propres yeux si on est en train de mentir. Et chaque année, les gens venaient voir. Il montait sur le sommet de la montagne et il attendait le moment du Hajj. 2 jours ou là, 3 jours avant le Hajj, là, il attendait. Ensuite, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un chameau venir avec des ailes. Un chameau qui vole avec des ailes. Il se posait sur le sommet de la montagne. L'homme montait dessus et partait au Hajj. Quand il terminait le Hajj, il venait sur chameau, un chameau qui vole, et qui le posait sur la montagne. Et quiconque ne veut pas croire, on lui disait, viens voir avec tes propres yeux pour que tu vois que celui-là est vraiment yani, quelqu'un de mashallah, quelqu'un de pieux. Quand il est mort, on a dit à son fils, pourquoi tu n'essayes pas? Fais comme ton père, va sur le sommet, peut-être le djemel, le chameau viendra. Il a dit, non, je ne crois pas, je n'ai pas de relation avec moi. Il lui a dit, essaye, on ne sait jamais, essaye, peut-être que tu es comme ton père. Peut-être ton père t'a donné ce don, peut-être qu'il t'a fait des doigts, je ne sais pas. Il a dit, je vais voir, non, je ne crois pas, mais je vais voir. Il est monté sur le sommet, il a attendu, et voilà que le chameau est venu, à la même période du Hajj. Avec les ailes, il est descendu, et l'enfant, son fils, Sada, est monté sur le chameau, et ils sont partis vers le Hajj. Et les gens, bien sûr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masha'Allah, Allahu Akbar. Le fils raconte, quand il est revenu là, du Hajj, il a raconté. Il a dit, quand je suis monté sur le chameau, quand on est arrivé en plein milieu du désert, alors voilà que le chameau a commencé à descendre, et il a atterri, et il a dit, écoute mon fils, c'est à cet endroit exactement que à chaque fois que je prenais ton père, je descendais exactement à cet endroit pour qu'il me fasse une prosternation. Je suis un shaitan et à chaque fois que je le prenais vers le Hajj, je venais sous forme de chameau avec des ailes, mais spécialement pour qu'il me fasse cette prosternation dans cet endroit exactement. Alors mon fils, tu choisis, tu fais comme ton père ou bien يعني هذا في رقبيني وبيان on se sait pas. Le fils a dit ma'av Allah, moi je fais le shirk l'akbar, le jahannam ma'av Allah, a'udhu billah min shaitan rajim. Et le shaitan s'est volatilisé et bien sûr l'autre est revenu à pied et il a dit aux gens, voilà comment ça se passait, celui que vous voyez c'était un shaitan qui venait prendre mon père pour qu'il lui fasse quoi, il fasse une prosternation en plein désert. El-Mohim, la conclusion c'est quoi? Donc c'est pour ça, on dit, si tu vois quelqu'un voler ou bien marcher sur l'eau, attention, tu dis celui-là c'est un pieux, jusqu'à ce que tu vois c'est quoi sa prière. Elle est à l'heure, ses femmes, sa femme, porte-t-elle le hijab ou elle a les cheveux qu'elle montre aux gens, elle a la mini-jupe, laisse ses filles fument la cigarette, ou si tu me dis celui-là c'est un pieux, celui-là fait même pas la prière, il boit de l'alcool, donc on voit d'abord comment il est par rapport au Coran et à la Sunna. Vous voyez, il y a des sorciers, des saharines, des charlatans qui font des grands péchés Et comme les gens ne connaissent pas la différence, ils croient que quoi? Ils croient que ce sont des gens que Allah aime, des gens que Allah a donné cette chose. Quand on va chez la sorcière, qu'est-ce qu'elle fait la sorcière? La sorcière, elle utilise les djinns qui l'aident de façon à faire voler une chose, de façon à faire transformer une chose, etc. Et des gens, bien sûr, qui n'ont pas d'aqida, surtout les femmes, beaucoup de femmes, elles sont la bouche bée. Elles disent, subhanallah, qu'est-ce que c'est que ça, subhanallah? Elles ne savent pas que toi aussi tu peux faire ça. Toi aussi, qui es en train de m'entendre. Et moi aussi, je peux maintenant, si je veux, je fais venir les djinns et je travaille avec eux. A'oudou billah, je vais prendre le Coran, je vais le jeter dans les toilettes. Au moment où le Coran tombe dans les toilettes, il y a un djinn qui va te parler. Te dire, classe, tu as fait ce que je voulais. Qu'est-ce que tu veux? Je t'aide, tu voles, je t'apporte des choses, je t'apporte de l'or. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as jeté le Coran dans les toilettes. Classe, on travaille ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire cela. Tu es plus qu'un shaitan, tu es plus que moi. Moi, je suis faible. Dis-moi ce que tu veux, ce que tu veux, je te fais. Tu as fait la chose la plus horrible dans le monde. Et classe, et voilà le shaitan qui travaille avec toi. Et seulement, chaque mois, il faut l'aider, il faut le payer. Chaque mois, tu lui égorges. C'est pour ça que la sorcière, chaque sorcière, a une fois par an ou là par 6 mois ou là, elle invite des gens, etc. Et elle dit, aujourd'hui, c'est la fête de Bellahmar, Jannada, Bellahmar, Bellahdar. Elle lui place un fauteuil comme ça. Elle le voit, les gens ne le voient pas. Un grand fauteuil. Elle l'habille comme ça, une grande cape en rouge. Ensuite, elle lui égorge un mouton. Ensuite, elle. La houla ou la quoi, c'est des choses atroces. Des choses atroces. La houla ou la quoi, Alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés, nous a montré qu'on n'est pas des ignorants, on n'est pas des dupes. C'est pour ça que on demande beaucoup à nos sœurs d'être très conscientes et d'apprendre, surtout aux vieilles qui vont beaucoup chez les sorcières et qui croient que la sorcière c'est quelque chose yani de Allah. Et elle ne fait pas la différence que c'est quelque chose du shaitan, que c'est le shaitan qui l'aide et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Fadla, inshallah, prochain soual. Des fois j'ai des mauvaises pensées qui viennent en tête, je me dis, imagine que la religion d'Allah n'est pas le haq. Est-ce que c'est terminé la question? Écris numéro 1 ou la mazette la question. Tu termines, inshallah, tu écris numéro 1. Non, maintenant j'ai compris, c'est terminé. Des fois j'ai des mauvaises pensées qui viennent en ma tête, je me dis, imagine que la religion d'Allah n'est pas le haq et que parce que tu ne pratiques pas la bonne religion, tu seras voué à l'enfer éternellement et à chier. Dites-moi si ça provient de moi, du shaitan ou de mon sihr, car j'ai peur d'entrer en enfer, parfois il m'arrive de douter, car j'ai peur de l'enfer, que me conseillez-vous? Naam, astaghfirullah, t'oublie. Tout ce que tu penses toi, tous on le pense. Tout ce que tu penses, il nous arrive des moments où on le pense. Mais, des fois, il est plus fréquent chez une personne qu'une autre. Naam, une personne qui par exemple passe tout son temps à écouter de la musique, en face de la télévision, en face de, loin des livres, loin, cette chose lui vient beaucoup plus que quelqu'un, par exemple, qui est du matin au soir en train de lire le Coran, en train de lire d'oraux, c'est ceci, cela, bien sûr. Mais tous, il nous vient. Comme a dit tout à l'heure le prophète, il n'y a pas quelqu'un de nous qui ne vient pas du shaitan et lui dit qui a créé les cieux, qui a créé la terre, ensuite qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous tous, il nous vient des fois. On se dit, peut-être tout ça c'est pas vrai, peut-être demain il n'y a rien, peut-être je vais aller en enfer, je vais plus sortir, peut-être ceci, peut-être ça. Tout ça, c'est de toi, c'est du shaitan, c'est des deux, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'essayer de résister, car tout ça, c'est le djihad. Non, il n'y a pas plus grand djihad que celui-là. Quelqu'un, une chose qui te dit que tu dois devenir mécréante, quelqu'un qui dit faut pas croire, quelqu'un qui veut te faire douter, quelqu'un qui veut te dire tu vas rentrer à Jahannam, tu vas plus sortir, pour t'enlever tout espoir. Donc toi, c'est ton travail, c'est quoi? C'est le djihad. Le djihad, c'est de rétorquer à cette personne et de la cette chose et de la contrer, bi'idna subhanahu wa ta'ala, de la contrer. Quand tu fais cela, et dans le djihad. Et dans le djihad. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah inna sila'atallahi ghaliya, هذا إلا سلعة الله الجنة. Le prophète Islam a dit la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala est chère et la marchandise c'est le jannah. Donc la marchandise, puisqu'elle est chère, tu vas pas la prendre comme ça sans rien. Tu es assis, tu vas rentrer au jannah. Jannah, pour rentrer, tu dois travailler, tu dois suer, tu dois, on doit te faire des doutes, tu dois les contrer, on doit te faire des problèmes, tu vois, et comme ça. Naam. Donc inshallah ta'ala, c'est une question de jihad. Toi tu fais le jihad et Allah ta'ala a dit والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Il a dit quiconque fait le jihad pour moi, je lui ouvrirai les portes et les issues. Je lui aurai, ça veut dire, je le ferai triompher. Toi, tu essaies, inshallah, de contrer ces idées qui te viennent. Inshallah ta'ala, tu ne seras que celle qui vaincra biznillah. Car tu es du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses soldats. Tu vaincras le shaitan et ton âme qui te fait ses problèmes biznillah azza wa jal. Tu fais beaucoup de dua à Allah subhanahu wa ta'ala wa tatawakkalin alayh wa man ya'tasim billah wa tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Akhir su'al inshallah, la dernière question inshallah, qui va poser la dernière question inshallah. Demain c'est jeudi, vendredi, nos prochains dars inshallah c'est samedi, mais vendredi inshallah on fera des questions en réponse libre. Il y a des sondages. Vendredi, Inch'Allah, on se rencontre et on fait des questions, des réponses, seulement questions-réponses, sans faire le DAS. Inch'Allah, que vous continuez. Il y a vos questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Et comme ça, Inch'Allah, vous n'envoyez pas beaucoup de lettres au courrier, puisque je vous réponds directement, Inch'Allah Ta'ala, dans la salle. Vous n'envoyez pas, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup. Une seconde, je lis une chose. Orthalafia, est-ce que tu parles de Oum Abdallah, celle à qui j'en ai toujours le point rouge. Est-ce que tu parles de celle-là ou d'une autre? Bien également, Oum Abdallah. Tu parles de là, celle de... Ah, pas celle de Paris, hein? D'une autre. Naam, khlas, masha'Allah, tawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, naam, tawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, parce que n'oubliez pas que samedi, c'est le prochain dars de l'aqida. C'est samedi, Inch'Allah. Non, il reste anonyme, comme est resté la première anonyme. Et vendredi, Inch'Allah, je parle avec la personne dont tu veux, je lui donne la siha. Inch'Allah ta'ala, donne les rendez-vous pour vendredi, bi'idnillah azza wa jal. Tayyib, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'elle est la question? L'autre jour, j'ai posé deux questions, j'aimerais avoir plus de pression. Ma première question était pourquoi lorsque le dernier arrive, Albani, le maïktab, Abu Bilal Albani, arrêtez d'écrire pour ne pas monter la fiche, pour ne pas monter le souhait. Où est-ce que j'ai... J'aimerais poser ma première question, c'est pourquoi lorsque le dernier arrivant en retard à la mosquée se met au milieu du rang, vous avez été inversé, vous me rappelez dans la sourate il se trouve. Ma deuxième question était, lorsqu'un imam termine les deux frères qui arrivent en retard, pris l'un à côté de l'autre. Et quand le troisième arrive, l'imam s'avance ou le frère le pousse. Vous avez donné l'avis d'Ibn Mas'ud, que Salini finalement, mais vous n'avez pas donné l'avis sur le fait que l'imam peut s'avancer, laisser derrière lui et de faire. Je l'ai donné, pardon. Naam, j'ai donné cet avis. Peut-être que. Naam, alaykoum salam, peut-être que le frère qui a posé cette question ne m'a pas entendu ce que j'ai dit. Peut-être. Car à la fin, non seulement j'ai donné cet avis, mais encore j'ai choisi cet avis. J'ai dit, celui-là, c'est le plus sûr. Celui-là, j'ai dit, c'est le plus sûr. Non, c'est cet avis, le deuxième. car l'avis de Abdullah ibn Mas'ud, qui peuvent rester trois, il est valable, naam, mais il n'est pas beaucoup répandu comme l'autre avis, qui dit que l'imam va devant et les deux autres restent derrière. Naam, l'imam va devant, il avance et les deux autres, bi'idhnillah, restent derrière lui. Ça, c'est le plus connu et c'est ce que les ulamas disent le plus. Ils disent comme ça. Ils disent que l'imam va à l'avant et les deux autres, inshallah ta'ala, restent derrière lui. Naam, adahwa. Et tu m'as pas entendu ce que j'ai dit vers la fin. Naam. J'avais une autre question. Naam, pourquoi lorsque le dernier arrive en retard à la mosquée, se met au milieu du rang, vous avez cité un verset? Ah, naam. Le verset que j'avais cité, c'était pour dire que. Yani ceux qui sont derrière l'imam doivent être derrière lui. C'est le verset numéro. Attends. Sourate Nisa, verset 102. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ C'est-à-dire qu'on doit être derrière l'imam. Et quelqu'un qui va à 50 mètres à gauche ou 50 mètres à droite, celui-là il n'est pas derrière. Il faut qu'il soit derrière. Ou si quand il n'y a pas de place, il va à gauche et il va à droite et il va à gauche. بِإِذْنِ Bien sûr, Inch'Allah, soyez compréhensibles. Le Cheikh a dit la dernière question. Attendez une seconde, je vais vous rendre la réponse. Une chose, une seconde. Maintenant, il est 1h05 chez moi. Inch'Allah ta'ala, il est presque 1h10. On termine, Inch'Allah, on ajoute 20 minutes, on termine, Inch'Allah, 1h30. Je vous ajoute, Inch'Allah ta'ala, 20 minutes pour ceux qui ont des questions auxquelles je n'ai pas répondu, Binnatala. Le frère dit, quel ulama? Quel ulama de qui? Parle de quoi? Ceux qui ont dit que l'imam s'avance et les autres viennent derrière? Est-ce que c'est ça la question? Celui qui a dit que. Ceux qui disent que l'imam avance? C'est ça la question. Ça y est, une autre question, Inch'Allah ta'ala. Oui. Tous les ulamas, tous, dans tous les livres, disent que s'ils sont trois, ils doivent faire composer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui devant et les deux derrière lui. Tous disent comme ça. Et c'est rare ceux qui disent que. Ils prennent de l'avis de Abdullah ibn Mas'ud. C'est rare. C'est lui seul qui a dit cet avis. C'est le seul qui a dit cet avis. Naam. Peut-on faire des nashid pendant une aqiqa? Et quelles sont les personnes qui sont permises de chanter lors des mariages? Naam. En ce qui concerne le mariage et les grandes fêtes, celles qui peuvent chanter, d'après Cheikh Al-Albani, d'après lui, c'est seulement les filles qui ne sont pas encore pubères. Les jeunes filles de 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est seulement celles-là qui peuvent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala alam, Allahu alam, Allah alam trois fois, que même si c'est une femme pubère, et qu'elle le fait seulement entre femmes, sans faire entendre les gens, et sans la dirbouka, mais avec le douf seulement, Inch'Allah ta'ala c'est permis. Inch'Allah ta'ala c'est permis. C'est un jour de farh, c'est un jour de joie. Mais quand elles font seulement elles-mêmes, il n'y a personne qui les entend, il n'y a pas quelque chose normalement qui est interdit. Parce que, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont levé leur voix et elles sont là, et toutes des femmes. Et il n'y a aucun homme qui entend leur voix. Dans ce cas, Inch'Allah ta'ala, c'est permis bi'idnillah azza wa jal. Dans la haqiqa, peut-on faire des nashid? Si on ne fait pas, c'est mieux. Si on ne fait pas, c'est mieux, car ce n'est pas dans la sunna. Dans la sunna, c'est yani pour le mariage, pour que les gens sachent que c'est un mariage. dans la haqiqa, ils sont pas obligés de savoir c'est la haqiqa. Dans le mariage, il faut que les gens sachent, pour que les gens sachent. C'est pour ça que il faut faire la différence entre la zina et le mariage. Dans la zina, on cache au maximum, et dans le mariage, on montre au maximum. On montre au maximum. Ah. Et de toute façon, je vous dis une chose. Quelqu'un qui veut se marier de la sunna et faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son mariage, il faut se préparer des années à l'avance. Il ne faut pas qu'il attende la dernière minute. Ensuite, il dit, quels sont ces gens-là? Je vois des gens venir avec des guitares et le piano. C'est qui? Et le père lui dit, c'est pas que, tu sais pas que c'est le groupe qui va venir pour ton mariage. Pourquoi? Parce que le frère ici n'a pas fait son travail. Il les a pas avertis. Il les a pas avertis une semaine. Une année d'avance ou les 6 mois. Il est tout en train de dire, attention, moi dans mon mariage, il n'y a pas de disque jockey. Il n'y a pas de disque jockey dans mon mariage. Attention. Non, je me marie comme Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ou là, c'est pas la peine de vous marier. Voilà comment je veux. Mais mon fils, c'est pas, tu vas nous faire une genèse. C'est pas une mort, ça. C'est une mort, toi. C'est quoi ça, Yanni? Un mariage, mon fils. Non, c'est un mariage, mais un mariage, c'est un peu spécial. C'est un mariage islamique. Moi, je veux comme ça mon mariage. Sinon, on ne fait pas de mariage. Hein. Donc, il faut qu'il travaille. Il y a 6 mois ou une année en train de parler. Et la fille, la même chose. Ma fille qui sait que ses parents vont faire beaucoup de machakil, il faut qu'elle se prépare à l'avance. Pas la dernière minute, on va lui dire, voilà, allez, on t'a acheté la robe blanche pour mettre la robe blanche. La robe blanche, c'est interdit de la mettre pour la sœur. Parce que la robe blanche, c'est la robe de la chrétienne. La chrétienne, on la fait asseoir, ensuite on lui met la robe blanche, il y a deux petites filles qui marchent derrière elle, qui prennent la robe blanche et la font marcher avec elle. Ça, ce sont les chrétiens qui font ça dans leur mariage. La musulmane, elle s'habille bien, elle s'embellit, elle devient belle ce jour-là, mais sans la robe blanche. Tous les habits les plus beaux du monde, ça ne fait rien, je les achète. C'est mon jour de mariage. Mais je ne mets pas la robe blanche le jour de mariage, la robe blanche qui est une particularité des chrétiens. Toute chose qui est une particularité chez les kuffars, il est interdit de la mettre, soit pour l'homme, soit pour la femme. Ensuite, dit, si un chien nous touche avec son museau, les hadiths touche les habits, que devons-nous faire? Tu ne fais rien. Avec le museau, ce n'est pas grave. Le maximum, tu mets un peu d'eau dans ta main, tu jettes l'eau, et tu frottes un peu l'endroit où il t'a touché. Non. Le maximum que tu fais. Bi'idhnillah azza wa jalla. Car le hadith a dit s'il lèche le microbe ou le virus se trouve exactement dans sa langue, la langue avec laquelle il fait des choses que tous vous savez tous ce que le chien fait avec sa langue. Non, il fait ce que certains musulmans font avec leur femme aussi. Donc quand il te touche avec sa langue, c'est ça un peu la mouchkila. Là avec le museau, ça n'a rien à voir. Bismillah. Je voulais demander au chef si la fécondation in vitro est autorisée en islam, sachant que cela sera fait en France avec des médecins non musulmans, avec les spermatozoïdes de mon mari et mes ovocytes. Ça y est. En ce qui concerne la réponse à cette question, faut d'abord que je la comprenne. Est-ce que c'est quand par exemple le médecin prend les spermatozoïdes de son mari? Non, c'est pas comme ça. C'est quoi exactement le cas? C'est quoi exactement? Non. Est-ce que c'est... Pardon. Comment ça se passe déjà? J'ai oublié. J'attends la réponse. Non. Moussakine, si tu connais la réponse, toi, dis-moi. Tu connais la réponse. Directement. Parce que je connaissais comment c'est, mais j'ai oublié. n'est pas avec le bébé éprouvette. Ça, c'est autre chose. Non. Nous attendons la réponse. Mais allez, je pose une autre question le temps que. Pour ne pas perdre de temps. Il y aura prélèvement de mes. Et prélèvement de. J'ai mis une radio dans le laboratoire. Non. Non. Cheikh Ben Hoseimin, la Yahmo a dit. Il a dit, on lui a posé la même question, il a dit, moi, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Il a dit, premièrement, il faut que je connaisse le médecin, s'il est confiant, etc. Ensuite, il faut que je connaisse l'homme et la femme. Et ensuite, il faut que le sperme de l'homme, il faut que il y aura prélèvement des spermatozoïdes de l'homme d'une façon charaïque. C'est pas par exemple avec masturbation. Il a dit il faut que ça soit d'une façon charaïa. Quand il le fait d'une façon charaïa qui est valable, il faut que je connaisse le médecin. Il a dit car qui, où est la preuve, comme ça dit Ibn Rataymin Layahmo, où est la preuve que ce médecin ne, à la dernière minute il ne va pas changer de spermatozoïde. Il va mettre par exemple ses spermatozoïdes, ou bien celui de son fils, ou bien celui de je ne sais pas qui. C'est quelque chose, il a dit, qui est, peut être très grave. C'est quelque chose, il a dit, qui peut être très grave. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, moi, si quelqu'un me demande cette question, je lui dis, ramène-moi les quatre personnes pour que je te donne la réponse. Il a dit, ramène-moi les quatre personnes pour que je demande les réponses. Donc, surtout ici, la sœur ou le frère dit, que surtout que le médecin n'est pas musulman. Je crois que c'est écrit même en France avec des médecins non musulmans. Non, des médecins non musulmans. Il faut éviter ces choses au maximum, à moins que ça se passe dans un hôpital musulman avec des musulmans et d'une façon, inshallah ta'ala, qui n'est pas haram en ce qui concerne le prélèvement des spermatozoïdes. Allah subhanahu wa ta'ala. Brillant et bien, on me convoquera pour insérer dans mon cœur ces hommes brillants. Al-Ayatihad, cette question, inshallah ta'ala, laisse-la pour quelqu'un qui est un alam. Moi, je suis seulement un petit médiateur. Je vous dis ce qu'on dit, les ulama, c'est tout. Cette question, inshallah ta'ala, tu peux la poser directement à un alam. En haut, sur la bannière, c'est écrit Ibn Taymiyyah, jiran.com. Tu cliques là-bas, il y a 5 ou 6 noms de ulama. Il y a 5 ou 6 noms des numéros de téléphone de ulama. Tu leur téléphones, tu les exposes, inshallah ta'ala, ton cas, ils te donneront, bi'idhnillah, une réponse. Fadwal, inshallah, il reste 10 minutes. Prochain soir. Priez. J'ai pas vu la question qui était en haut. Je souhaiterais savoir s'il m'est permis de faire salat l'huître en une raka, sans faire les deux sumarawatib après l'aïcha. Concernant la météo, est-il autorisé de croire en leur dire les météorologues? En ce qui concerne le huître sans les rawatib, il est possible, bien sûr. Mais en principe, quand quelqu'un fait les rawatib, il ne les laisse pas. Sauf de temps en temps. Il est malade, il est fatigué, de temps en temps. Il fait une raka du huître, il a sauté les deux rawatib. Mais en principe, les rawatib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les faisait pas seulement quand il était en voyage. Sinon, les rawatib, il les faisait. Et quand il était en voyage, il faisait seulement deux rawatib. Le witr, qui est une sunna ratiba, et le fajr, sunnat al-fajr, qui est une sunna ratiba. Ces deux-là, le witr et la sunna ratiba, il les laissait, et le fajr, pardon, il les laissait jamais passer, que ce soit en voyage ou bien quand il est chez lui. Donc, inshallah ta'ala, si de temps en temps tu ne fais pas les deux sunna ratiba, inshallah, et ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose d'obligé. Mais il ne faut pas le faire beaucoup. Il ne faut pas faire beaucoup. Non. En ce qui concerne les météorologues, non. quand ils disent une chose, tu dis toi bi-idnillah, bi-idnillah. Tu dis, mais n'est jamais sûr ce qu'ils ont dit. Il ne faut jamais croire en ton cœur ou là dans ta aqida que ce qu'il a dit, khlas, c'est sûr. Jamais. Pourquoi? Parce que le météorologue calcule le vent, calcule la chaleur de l'air, calcule des choses, et il se dit, puisqu'on a vu que le vent se dirige par exemple de l'est vers l'ouest, donc il va arriver demain ici, donc les nuages vont arriver demain ici, puisque les nuages sont gris, donc il y a la pluie, ici il y a des montagnes qui vont arrêter les nuages, donc la pluie tombera demain inchallah ici le matin, comme ça qu'il dit. Ensuite toi, jamais tu te dis c'est quelque chose d'officiel, parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qui va se passer d'une minute à l'autre. Par Allah subhanahu wa ta'ala, eux quand ils ont fait le calcul que le vent se dirige d'est à l'ouest, Allah ta'ala d'une minute à l'autre peut faire diriger le vent vers le sens contraire. Naam, c'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le vent qui partait de l'est vers l'ouest, Allah lui donne un ordre, il lui dit tu pars maintenant vers le sud, tu pars plus vers l'ouest, tu pars vers le sud, et khlas, donc tous les calculs sont tombés à l'eau. La pluie qui devait tomber ici ne va pas tomber, car les nuages ne vont pas venir de notre côté. Donc il faut jamais gagner. C'est pour ça que plusieurs fois ils disent que demain la mer sera calme, et toi tu vas à la mer, tu trouves qu'elle est grande, et les vagues sont grandes comme les montagnes. Et des fois, tu dis demain, la mer agitée. Tu vas à la mer, tu la trouves calme, bi-idnillah ta'ala. Naam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande en ces choses et ce qu'il veut, quand il veut, il ne demande la vie de faire, bi-idnillah. Naam. Ça donne, inshallah, prochaine question. C'est pour ça que, en parenthèse, même dans les pays musulmans, même ceux qui parlent de la météo maintenant, les musulmans, quand ils font la météo, demain, ceci, cela, ils commencent à parler un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, tous, quand ils terminent, ils disent bi-idnillah ta'ala. Tous, quand ils terminent, ils disent yani, matar, kada, kada, ils disent bi-idnillah ta'ala. Non. Parce que les gens les ont beaucoup critiqués. Oh, toi, tu sais qu'est-ce qui va se passer demain? Alors ils ont commencé à dire bi-idnillah ta'ala. Non. A-t-on le droit de prendre conscience de quelqu'un qui veut pas nous dire où il a étudié, il ne va pas et veut pas nous dire s'il a une tasqiya? En principe, on prend de la science de quelqu'un qui on sait que yani, son minhaj et sa aqida et son fiqh, yani, ce qu'il dit, yani, qu'il a du haine. La duel, c'est que sa aqida, etc., est véridique, ce n'est pas quelque chose de faux. C'est pour ça que toujours quand on veut prendre le haine de quelqu'un, on demande après cette personne, on demande à cette personne où elle a étudié par exemple, et qui qu'on étudie des ulama, ou là, qui qu'on étudie des gens de science, ou là, des gens confiants. Ensuite, on demande à ces gens que connaissez-vous de X. Voilà comment on fait. Sinon, on ne peut pas parce qu'on a peur. On a peur, des gens disent, maintenant tous disent, Al-Sunnah al-Jama'a. Il n'y a pas quelqu'un qui dit je suis contre Al-Sunnah al-Jama'a. Il n'y a pas. Sauf les égarés, bien sûr. Mais, au fond, peut-être qu'il n'est pas Al-Sunnah al-Jama'a. Ou peut-être qu'il le fait avec une bonne intention. Il croit qu'il est Al-Sunnah al-Jama'a. Il aime Al-Sunnah al-Jama'a et il défend Al-Sunnah al-Jama'a. Mais, il a des fautes dans la aqida. Naam, il n'est pas très instruit, il n'a pas beaucoup de science. Il aime Al-Sunnah et il croit que Al-Sunnah al-Jama'a dit ceci. Il dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main. Oh, Al-Sunnah al-Jama'a dit comme ça. Naam, tu veux le ressembler à des personnes. Tu vois, il dit ça, il croit que c'est comme ça. Alors que Al-Sunnah al-Jama'a dit le contraire, bien sûr. C'est pour ça que faut bien faire attention de Inna al-Zawaji. Naam. Est-ce que le fait de prendre la vie que la femme peut montrer son visage et qu'elle ne pêche pas, ne pêche pas. Ça, c'est les sourcils font partie du visage qu'on voit sans les cracher. Car une sœur m'a dit qu'on pouvait, alors je trouve qu'avec les sourcils, on voit la nature des cheveux de la sœur. Allah Alam. Peut-on prendre de Jamal Cheikh et peut-on suivre ses cours? Ça y est, est-ce le fait de prendre la vie que la femme peut montrer son visage et qu'elle ne sèche pas, non, c'est pas interdit, est-ce que les sourcils font partie du visage? Les sourcils. Ou doit-on les cacher? Non. Si elle dit que la vie de. Qu'on peut montrer le visage, on peut montrer aussi les sourcils. Non, on peut les montrer. Car si on dit on voit la nature du cheveu, ça ne fait rien. On a vu la nature, mais on n'a pas vu le cheveu. Non, on a vu la nature, on n'a pas vu le cheveu. C'est comme si, par exemple, quelqu'un disait que cette femme a les cheveux noirs. Tout simplement, je sais qu'ils sont noirs, mais je les ai jamais vus. Maintenant, quand je vois ses sourcils, je comprends que ses cheveux sont noirs, ou là, sont kada, ou là. Naam. Quand elle dit, elle pense à la couleur du cheveu. Naam. C'est pas grave. Moi, quand tu me dis que l'autre a des cheveux blancs, mais je n'ai pas vu ses cheveux. Naam. Ensuite, voilà. Peut-on prendre de Jamal Cheikh? Et pour t'en suivre ses cours. Pour être franc, c'est la première fois que j'entends de ce nom, Jamal Cheikh. C'est la première fois que, depuis que je suis né, que j'entends ce nom. Yani, ce nom, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais entendu avant ce jour. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais même pas qui est cette personne, ni si c'est un Saoudi, ou la Kuwaitien, ou l'Algérien, ou la ولا واسمو ولا مصري ولا نعم صح نعم طيب c'est un Jordanien. نعم j'ai jamais entendu parler de lui. نعم jamais dans ma vie. C'est la première fois que j'entends parler de lui. Élève de Cheikh Al-Halabi. Non, je le connais pas. نعم je le connais pas. طيب on se donne rendez-vous inchallah ta'ala vendredi pour que je réponde à vos questions bi'idhna azza wa jal. On fera pas de daf. Seulement la réponse à vos questions, inshallah ta'ala. Comme ça, inshallah ta'ala, vous ne m'écrirez pas beaucoup dans le courrier pour qu'on réponde, inshallah, directement. Comme ça, bi'idhna ta'ala. À 19h30, naam. À 19h30, française. À 19h30 au lieu de 20h. Naam. Pour gagner bi'idhna un peu de temps. Naam, inshallah ta'ala. D'ici vendredi, inshallah ta'ala. استودعكم الله الذي لا تضيع امانته نعم اراكم ان شاء الله تعالى بخير et je vous donne un conseil c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum et de mettre entre vos yeux que on ne vit que pour lui subhanahu wa ta'ala donc que alhamdulillah vous dites que alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidé on n'est pas des koufars. On est masha'Allah, on est des croyants, alhamdulillah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous laisse cette ni'ma. Il ne m'enlève pas, bi'idhna azza wa jal, car il nous a donné la plus grande ni'ma. Naam. Il nous a donné la plus grande ni'ma. Il a donné aux autres de l'argent, il a donné aux autres de l'or, il a donné aux autres des palais. Toi, il t'a donné l'iman, masha'Allah. Il t'a donné l'iman qui te permettra de le rencontrer demain, ravi de toi. Il t'a donné l'iman qui te permettra demain de rentrer dans les paradis, pas le paradis, les paradis, et de voir Allah subhanahu wa ta'ala demain, et de profiter yani, des délices que jamais un kafir n'a entendu parler dans sa vie. C'est pas jamais un kafir les a vus, mais n'a jamais entendu parler. Masha'Allah wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.